riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. D'après les médecins, pour être en bonne santé, il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Jusqu'à 20h, avant de faire les hallucinations auditives, dans un instant, tu vas adorer les hallucinations auditives. C'est vrai. Nous allons lancer donc le grand concours des imitations. Oui. Ok. Attention. Alors attention, donc la règle pour le faire, et surtout le perdant, on en parle dans un instant, voilà. Parce qu'on lance un concours en même temps. Je vais donner des noms de personnes à imiter. Le premier qui se semble le faire, il lève la main, ouais, et il fait l'imitation dans la foulée. Ah bah non, non, c'est ça la règle. Ah bah non, tu lèves la main et que tu le fais, tu as le temps de réfléchir. Bah non, non, tu le fais, tu lèves la main et tu le fais. Ah d'accord. C'est pour éviter de vous parler dessus, l'un sur l'autre. Oui. Vous êtes prêts ? C'est celui qui le fait le mieux. Et si les deux le font, est-ce que c'est celui qui le fait le mieux ? Eh ben, oui, tu sais quoi, le premier qui le fait, si tu sens que tu peux mieux le faire, tu dis je peux le battre et tu le fais derrière. Ah ouais, pas con. Allez, on fait ça. Parce que allez, pas mal. Ok. Oh, et le perdant. Le perdant fera la première partie de l'autre. De l'autre, ouais. Moi je fais du 29. Tu peux te libérer du 29 novembre. C'est là ou pas? Attends, si tu perds, tu fais ma première partie. Si je perds, je fais ta première partie. Voilà, à la comédie de Paris. Si tu perds, tu viens au casino. C'est ou... réglo. T'es prêt? Bah, check. Allez, c'est check. Parti. Les gagnants, ils gagnent quoi? Le... Ah oui! Ah oui, c'est ça aussi! Le gagnant, il a une première partie gratos. C'est ça! Au prix des premières parties. C'est ça! Allez, on y va. On y va, attention. Vous êtes prêts? Le premier, attention. Attends, je suis pas prêt, je rigole là. Détendez-vous, attention. Alors attention, il est très mauvais joueur, je te préviens. T'inquiète pas. Didier Deschamps. Et me joue effectivement, c'est vrai que Kylian Mbappé, pour la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est un attaquant qui permet tant au niveau de la défense que de l'attaque. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut se permettre de... Tu sens de le faire? Tu sens de le faire mieux? Vas-y. Bonjour, c'est Didier Deschamps. Donc moi j'ai fait la sélection de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé d'écouter Chico et les Gypsies dans ma voiture. Chico, ouais, mais c'est lui, il est sous Prozac. Il est sous Prozac. Ça, c'est un Didier Deschamps qui a perdu la Coupe du Monde. Ça va, ça va, ça va. Ok, 1-0. Vas-y. Numéro 2, Nagui. Ah ouais. Et bonjour à tous et bienvenue à N'oubliez pas les paroles avec aujourd'hui celui qui va être sur scène et qui va chanter ça va être long. Une merci chanson Lagi d'Adèle, c'est Ahmed Silla que vous pouvez applaudir. Oh. Ah, ouais, ouais, okay. Tu peux le battre ou pas? Écoute, tu veux le tenter ou pas? Ouais, je suis un challenger, je vais tenter. Vas-y. Ah ok. Bienvenue. C'est bien fait, chacun ses talons. J'adore ce jeu. Bon, attention, next. Sarkozy. Écoutez, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui de revenir avec monsieur Ahmed Silla. Vous savez que j'aime beaucoup Ahmed Silla. J'ai changé. J'ai beaucoup changé. Avant, je n'aimais pas l'humour d'Ahmed Silla. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Allez, je crois qu'il le maîtrise. Hein. Et puis, bonjour à tous. Alors, je vais vous dire pourquoi j'aime bien énergie. Ah, monsieur Coé, en France, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se lèvent tôt le matin, Il y a ceux qui ne se lèvent pas du tout. Moi, je suis parti de la France qui se lève tôt. Ah, alors, excusez-moi, monsieur Coé. Ouais, je continue aujourd'hui. C'est bien, je l'entends. C'est bien, c'est bon. Là, c'est pour toi. Ah, attention. Attention. On part dans le cinéma, vous êtes prêts? Je vais vous le dire. J'attends la prochaine proposition, je vais vous le dire. Attention, vous allez voir. Gollum. Il n'y a pas le racisme en France. Gollum. Mon prince. Ah ouais. Mais où es-tu, mon prince? Non, non, pas bien. Gollum, non. La tête d'Ahmed. C'est chaud. Allez, il prend la pause, il prend la pause. Il y a la pause derrière là. Non. Non, là tu fais caca. C'est Dobby là, une vieille là. Mon précieux. C'est Gollum enrhumé. C'est un prénom, parce que moi. Non, c'est moi qui le fais, c'est mon précieux. Mon précieux. Non. Allez là. Execo, attention. François Hollande. Ah, c'est un Moi, j'ai une maîtrise totale des présidents de la République. Écoutez, attends. Écoutez, oui. En France, mais non. J'ai. Mais non. Parce que je me remémore son quinquennat et c'est pas facile. Mauvais souvenir. Je vais essayer. Écoutez. La France ? Non. Pense à lui, voilà, pense à lui, pense à lui. Mets-toi dans sa peau. Coco peut mieux faire. Oui, alors je suis à Tulle. Et à Tulle, en ce moment, il ne fait pas très beau. Je suis là, j'attends les appels, ouais. J'attends les coups de fil. C'est les guignols ! Parce que tu m'as pas fait les guignols, alors ? C'est vrai. Alors ? Allez, on progresse. Attention, plus dur, on va tremble. Le coq tremble. L'adresse de la Comédie de Paris ? Oui, je la connais. Je la connais très bien. Tu lui donneras les horaires ? Oui. Karine Le Marchand. Ah ouais, bah là c'est pour lui, c'est pour Ahmed. Je te laisse essayer. À toi, démonstration. Vas-y. Honneur d'âme. Vas-y, je sais pas, vas-y. Oh, arrête. Oh, je suis très content, j'adore Coé. J'adore Coé. Arrête. Oh non, c'est pas bien. C'est bien. Il est bien. Attention. Allez l'applaudir, ça déconcentre. Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous et bienvenue à Qui veut gagner des invitations pour le spectacle de Médicina. Un sucre complet. Alors, on me dit que selon la production, c'est complètement rempli. Selon Ahmed, il en reste 34. Dépêchez-vous. Un bon spectacle. Vas-y. J'ai jamais essayé, Foucault. Vas-y, tente. Pense à sa tête. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Non, bravo. 3-3. Prêt, attention, un peu de musique. Johnny. À toi. C'est vrai que. C'est très physique. Je suis parti trop tôt. Oh là là. Je suis parti trop tôt et. Mais c'est pas ça. Attends, j'essaie. Salut. Parce que moi, ce que j'aime chez Avelcina, c'est que c'est un body boys. Parce que. Oh, ça va les boys. Parce que moi, vous m'avez pas laissé la chance de m'exprimer. J'ai pas fait Yves Montand, monsieur. J'en parlerai au diable. Alors, on laisse le public juge. Parce qu'apparemment, le public juge. Voilà. Moi, j'ai fait une phrase. Hein. J'en parlerai au diable. Qui fait mieux, okay, Johnny pas. Allumez le feu. Ceux qui sont pour Coé. Ceux qui sont pour Coé, levez la main. Marie. Ceux qui sont pour moi, levez la main. Sachant que si vous ne voulez pas la main, vous ne reviendrez jamais dans ce studio. Il y a personne qui lève la main. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Levez la main si c'est Coé. Levez la main si c'est moi. Allez, okay. J'en parlerai au diable. Ouais, bon, non, j'en parlerai à la sécu, moi. On a terminé. Et malheureusement, vous êtes complètement ex aequo tous les deux. Un dernier. Mais non. On joue pour la première partie de l'autre. Allez, vous ferez tous les deux la première partie de l'autre. Là, on se libère. Voilà. Un petit dernier. Bon, allez, Julien Lepers. Ah non, mais. Oh putain. Ah, t'es chaud ? Ok. Vas-y. Non, vas-y, t'en premier. C'est ton émission, frérot. C'est ton émission. Je peux avoir une musique de. T'as une musique ou pas ? Ah oui, parce que t'en penses. Vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur se permet de prendre des essais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à Question pour un champion. Bonsoir, bienvenue à vous, tous ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent dans les dom-toms. Ceux qui nous regardent un peu partout. Attention, la patate, la première question. Et on salue ceux qui nous regardent un petit peu partout. Ahmed, Ahmed, vous venez. Ahmed, vous venez du Cantal. Ahmed, Ahmed, 22 ans, chauffeur routier. Ahmed, et qu'est-ce que vous aimez dans la vie, Ahmed? C'est vrai que j'ai une collection de Barbie. Une collection de Barbie. Et on embrasse toutes les Barbie qui nous regardent. Les Barbie, les Dom Tom. On les embrasse. Attention, question. Vous jouez pour un très beau jeu. Oh, le beau jeu. Vous jouez beau pour jeu. Un livre. Oh, j'ai pas la suite. Attends, essaye, vas-y. Ok. Ah oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. On cherche un fruit. C'est Sarkozy. Et la question. Non. Sarkozy non. Le père, ça. Ahmed. Ah oui. Oui. On cherche. On cherche. Chez vous. Et la question, ça vit. Non, c'est Samuel Etienne. C'est le nouveau. Ouais, je connais. Parce qu'il a dit trop de trucs, il a eu la musique. Moi, j'ai pas eu la musique. Eh ben voilà. As-tu non, mais moi, ça reste ex-écho. Non, ex-écho les deux. Vraiment. Est-ce qu'on se dit. Ça se tape, hein. Alors, est-ce qu'on se dit que donc on est. Attention, non, non, t'as tapé. Ouais, moi, j'ai tapé, frère. L'un et l'autre. On se dit mutuellement. Exactement. Donc, je viens faire ta première partie. On fait ça, c'est vendu. Et vice versa. Mais tu feras ma première partie. Attends, parce que t'es du 14 janvier jusqu'à quand? Parce que moi, regarde. Jusqu'à fin mai. C'est pas pour faire le mytho. Je commence un tournage à partir de quand, monsieur le producteur? 14 janvier. Non, mais le. Ouais, mais tous les lundis, c'est vrai. Tous les lundis. Je suis dans le sud. Ouais, et c'est jusqu'à quand le tournage, monsieur le producteur? Nous on est jusqu'à fin mai. C'est de quand à quand? Je te jure que non. Pas Bénure. Je suis sur un long métrage cinéma. Non, mais c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Jusque fin mai. Ah, jusque fin mai, ça va. Et on a une tournée aussi. Ah, ça va, ça va. Non, non. Regarde, moi j'ai qu'une parole. Je viendrai n'importe quelle date. N'importe quelle date où je peux me libérer, je te jure que je viens. Eh bien, je te jure que je ferai la même chose. Eh bien, avec plaisir. Les amis, je vous souhaite une belle soirée. Les hallucinations auditives, on les fera lundi. Oui, on les fera lundi. On s'est bien marré. On n'a pas le temps. Merci, mon ami. Ah oui, oui. Sarkozy. Ahmed Silla, n'oubliez pas, à partir de Chacun pour tous est actuellement au cinéma. Oui. Le film du 29 novembre au 9 décembre, tous les soirs au Casino 2. Paris. La série Access, premier voilà, épisode à partir c'est hier de soir, ça reprend mercredi prochain, ouais, 21h. En fait. Et n'hésitez pas, suivez la série sur les réseaux sociaux, Twitter, bisous en base. Access la série. Merci à bonne tous. Pour merci vous. À toi. Purée d'équipe, parce que je pouvais pas merci. Dire le mot. Ah, tu peux d'équipe. Le dire. Non, putain d'équipe. Voilà. Ah, deux fois déjà. Tu as fait une solitude de l'applaudissement. Je sais, ça fait deux fois. On vous laisse en retard, les amis. Ça va là où vous m'entendez? Ouais, ça va l'équipe. Ça va, vous êtes en forme. Écoute, en pleine forme, prêt pour demain et l'NMA. Et oui. J'ai vu la météo. C'est mieux. C'est bon. On a appelé un marabout. C'est qui? C'est Mico. C'est Rico. Rico. Bonjour Ahmed, ça va? Salut Rico, ben ça va et toi? Écoute, impeccable, j'aime bien cette voix. Si je te fais ça, tu reconnais qui? Ah oui, oui, oui, oui. Ah, on cherche. Ah oui, Julien Lepers. Voilà. Merci. Au revoir. Moi, j'avais gagné. Je ferai la première partie de Monsieur Coé, mais j'avais gagné. Tu l'as quand même. Bisous les amis. Bisous les gars. Bisous Marion. Sur Énergie. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Yes, allez les amis, on a plein de choses à faire, vous le savez, le jeudi, eh bien c'est battle de séduction, Sylvain contre moi, on a un profil identique sur les sites de rencontres, et on voit qui est le meilleur en séduction, puisqu'on est le même gars. Hein, et généralement ça donne des barres de rire puisqu'on a des figures imposées un petit peu comme au patinage et croyez-moi c'est une barre de rire. Ça arrive dans une demi-heure, on aura aussi le VTC de la peur. L'appel à votre avis arrive dans 5 minutes, il est juste magique. Le commissaire Latour a repéré un rappeur qui se moque des forces de l'ordre et croyez-moi il compte bien lui faire payer canular magique hein, dans 5 minutes. Et puis demain on sera au Energy Music Award, émission exceptionnelle en direct de la Croisette à Cannes avec vous les amis. On va s'écouter Promise, Maître Gims, DJ Snake, On est tellement contents de vous retrouver les amis pour 3 heures de kiff. Merci à tous là sur les réseaux. Hashtag Ricocho sur Énergie. Betty, Amélie, Sévache, Elisabeth, Louis, Sandra, vous êtes énormément, ça fait plaisir. Comment elle va Sarah? Bonsoir à tous, bonsoir mon Rico. Ouh là là, elle a mis le képi, la casquette pour cacher oui, les cheveux gras. Les cheveux gras, c'est ça. Ah oui, tout à l'heure elle a mis des petites mèches sur les côtés, vous savez, au niveau des oreilles, une de chaque. Je croyais qu'elle a mis du gel. Voilà, il m'a charrié. Il n'en est rien. Lui, il a refait son toupet, il est passé chez le coiffeur. Anema oblige, le tapis rouge arrive et ça, il ne le raterait pour rien au monde. Le tombeur. Eh ben écoute, en pleine forme. Et demain, je vais voir ta mère, enfin la mère. Ah oui. Ouais, la mère méditerranée. Oh, il a essayé une vanne. Ah oui, ah oui, d'accord. D'accord. Oh, c'est nul. Non, non, mais tu vas voir la mère, hein, tu t'inquiètes pas. Bien profond, hein, les pieds et les poings attachés, et t'auras du mal à respirer, t'inquiète pas. Toi, tu vas y rester à Cannes. Ça va, mon GM? Écoute, je vais très bien, je vais pas faire de vanne, je vais laisser Sylvain en faire. Oui. Hein, c'est bon, le niveau est assez haut. Tu sais. Je vais très bien, tout va bien. On sort d'une émission avec Ahmed Silla, ouais. Le tombeur, on a le gratin de l'humour. Vraiment, les gars, on y est. Allez, c'est le bail du jour. On se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui les amis, vous le savez, ces imprimantes 3D là, ouais, ça sort de partout. Alors c'est en fait, c'est un petit peu comme il y a 20 ans, 25 ans avec les ordinateurs. Il y en avait 2-3 qui en avaient, mais ça s'est vite démocratisé. Bah là c'est pareil, les imprimantes 3D, on va tous en avoir. Donc on pourra imprimer avec un petit peu de plastique, enfin c'est un peu compliqué, mais on pourra imprimer même des pistolets. Ouais, d'ailleurs, franchement aux États-Unis c'est un truc de ouf. Les gars impriment les pièces du pistolet, ça coûte 1000 euros, t'achètes. Et puis tu peux avoir la technique pour imprimer justement un pistolet, tu mets une munition, ça marche. Non, mais c'est pas des conneries. C'est pas factice. Ah non, c'est pas factice, ça fonctionne, c'est comme les tabourets, les tables pourraient construire des objets. Et là, aujourd'hui, on a découvert, les amis, qu'on pourra imprimer des panneaux solaires. Mais... c'est pas une vanne. C'est-à-dire, on pourrait produire de l'électricité, ça coûtera moins de 10 euros. Hein, et puis, vous collez ça sur votre fenêtre, vous collez ça sur un objet, vous récupérez de l'électricité et vous pouvez en profiter à moindre frais. Vive la technologie. Non, mais attends, mais tu mets quoi comme matière première? Tu mets pas juste une feuille, pas comme dans une feuille spéciale, ça. Arrête. Tu mettras la feuille spéciale, je te jure, et l'imprimante, en fait, elle a ses petits trucs électriques. Là, et ça permet justement de faire un panneau solaire. C'est véridique, c'est testé, ça arrive. Bah, c'est incroyable, moi je sais pourquoi je vais le faire. Alors, pas pour des panneaux solaires. Hein. Ah oui? Moi je vais le faire pour des clés. Parce que je perds tout le temps mes clés, c'est une tannée. Les putain, clés t'imagines? T'arrives imprimante, bam, la petite clé arrive, tu rentres chez toi, tu payes plus 500 balles le serrurier pour te démonter la porte, te refaire payer une porte derrière. Voilà. C'est l'aura. Là, c'est fini, juste la petite clé. Tranquille, bien, petite imprimante, t'auras un petit code avec un document pour sortir ta clé, bam, ça ouvre. T'es fini les serruriers qui te demandent 300 euros pour ouvrir ta porte. Exactement, c'est bon ça. Par contre, si t'as plus la clé, comment tu fais pour entrer chez toi pour imprimer? Ah oui. Eh ouais. Ah oui, c'est pas con. Ah oui. Si l'imprimante est derrière. Ouais. Ah, si. Eh, ça réfléchit là-dedans, c'est pas con. Eh, merci, Rico. Ah oui, si. Bravo, Sarah. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, l'imprimante n'est pas petite hein, pour imprimer le DOS. C'est pas con si elle est derrière, c'est. On pourra quand même appeler le serrurier avant d'imprimer la clé. C'est ça. Bon, ce sera pratique pour faire des doubles, quoi. En fait. Bon, finalement, c'est la moins bonne affaire de l'histoire. Pas mal, pas mal. On va prendre Samy qui a fait le 0870 42 48. Ça va mon Samy? Ça va mon Rico? Écoute, je suis en pleine forme. Samy, il habite Paris. Alors mon Samy, raconte-moi un petit peu. Tu ferais quoi toi avec une imprimante 3D là? Bah écoute, comme a dit JM, les trucs qu'on oublie tout le temps, les batteries externes, tu sais. Ouais. J'en imprimerais ça. Ah d'accord, des chargeurs. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, mais si t'as pas le chargeur de l'imprimante, comment tu fais? Les gars sont fous. Non mais JM m'a mis dans un délire. Ah, mais si ton imprimante, t'as pas le chargeur de l'imprimante. Ah mais oui, mais tu peux. Non mais attends, ça veut dire. Non, imaginons, je dis un truc tout con, une paire de Louboutin. Faut que j'ai la paire de Louboutin avant d'imprimer. Ah non, elle sera faite mais en plastique. Ça coûtera moins cher. Vivement cette imprimante 3D. On en a besoin. Moi je m'en servirais pour imprimer, tu sais, la petite vis qui te manque quand tu montes un meuble IKEA. Tu sais jamais où elle va, tu sais pas où elle est, tu la perds. C'est vrai, on s'en parle de cette petite vis. Elle me rend fou. Moi j'en peux plus souvent aller dans l'aspirateur. Ouais, c'est vrai. Si tu cherchais bien, mais c'est vrai. Moi le meuble, je monte jamais à l'endroit et puis un jour il claque. Bah elle sert à rien cette vis. T'en as toujours 3-4 en plus. Ok, tu fais partie des gens qui montent mal les meubles. Ouais, ça y est, on y est, c'est détecté. Là, je peux dire qu'on est sûr. Oui, hein. On va acheter. Souvent c'est ça. Non mais Samy, j'aime bien l'idée du chargeur. C'est surtout le cordon de l'iPhone là, qui est toujours dépecé. Oui mais c'est pas possible. Ils vont imprimer des fils électriques avec et tout. Bah ça c'est peut-être plus compliqué. Non mais tu vois, ça marchera pas. Comment c'est possible hein, vu la technologie à quel point elle avance. Je me demande si c'est pas de la merde cette imprimante. Les gars ils m'ont démonté l'imprimante 3D. Les gars c'est pas mal. Non mais je veux dire, vous voulez faire une petite table basse, vous voulez faire un jouet. Ah ouais, ça c'est sympa les jouets, sympa. Ah oui. Attends, oui. Les cadeaux de Noël. Les cadeaux, ben voilà. Ah, fini, ça y est. Putain, il a dû jouer cadeau de Noël, bam, ça. Et lui le gars, pas fait du même bois. Ah, je vous dis, il a un cerveau terrible. Non mais c'est énorme. Samy, on va se faire l'appel à votre avis. Tu connais l'appel à votre avis un petit peu? Ouais, carrément, vas-y, fais-le.

Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. À 23h, toutes les news de la journée arrivent et puis on aura un VTC de la peur où Malik récupérera son client. Il allumera la radio, on annoncera qu'il est recherché, mais ce sera autour des Energy Music Awards et il transporterait la nouvelle révélation francophone de l'année, Sarah. Oui, tant vous dire qu'on est vraiment dans la fiction. Pas du tout, pas du tout. Dans une fiction qui est... T'as déjà été nommé aux Energy Music Awards ? Nominé. Nominé, ça veut dire que tu dégages. D'accord, quoi. C'est-à-dire que c'était pour ne pas être là. Voilà, c'était blacklisté. Il y en a qui montent les marches, moi je les descends, par exemple. D'accord, tu verras d'accord. Cette année. Merci, merci Sarah. On s'écoutera Calvin Harris, là, très vite. Je kiffe ce son. Les amis, on a aussi du bonheur avec mon Sylvain. Ouais. Sylvain, on va se faire la battle de séduction, tu le sais. Ah, je suis chaud, on a créé un profil commun. Sarah a dragué pour nous des nanas. On a récupéré les numéros et on va voir qui est le plus fort en séduction. C'est ça. D'accord, avec des figures imposées, tu vas voir, ce soir, il y a du très, très lourd. Et puis moi, JM, j'oublie pas, t'as pu nous négocier des places là pour les LM1, c'est bien. Bien sûr, combien tu en veux ? Écoute, j'aimerais bien enfiler au moins deux ce soir, et puis j'aimerais bien enfiler au moins allez, une dizaine demain. Les 10 dernières, alors, je gratte les 10 dernières. Je peux faire ça. Vas-y, c'est bon. Je sais que t'es un morpion. Ah ouais, je vais gratter tout le temps. Fais-nous ça, s'il te plaît. Arrange-nous. Arrange-nous, arrange les copains du Rico Show. D'ailleurs, une seule adresse hein, pour venir s'amuser avec nous, 0800 70 42 48. Là, c'est le Canur, on y va. Il promet d'être énorme aujourd'hui. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du Canur, le canular du jour sur Énergie. Je suis le commissaire Latour. Et Sarah, t'as détecté un jeune homme qui fait du rap et a priori, ça va pas du tout. Des fois, il insulte les forces de l'ordre. Non, mais où ? Ah oui, le petit David, il est très insolent dans ses textes, monsieur l'officier. Hein. Très bien. Là. Je vais le reprendre, mais d'abord, je vais demander à son avis pourquoi je l'appelle. Je pense que rapidement, il va me parler de rap. Bah ouais, c'est sûr. Apparemment, ses chansons à texte ne me vont pas du tout. Oh là là là. Je suis colère. Les gars, on a l'uniforme. Ok, on sécurise la France. Ouais, c'est vrai. Qu'on soit policier, gendarme ou agent de sécu. et on doit le respect. Bien sûr, monsieur. On y va. On a tous quelque chose à se reprocher. Et Rico a décidé de vous faire cracher le morceau. Alors, à votre avis, pourquoi il vous appelle ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur Latour à l'appareil. Oui. Et bonjour. Vous êtes bien David ? Oui. Je vous appelle parce qu'on a un petit souci avec vous, là, monsieur. Oui. Votre avis, pourquoi je vous appelle ? Écoutez, madame m'a téléphoné suite à un problème apparemment pour mes textes. Vous n'êtes pas obligé de faire l'accent, hein ? L'accent, ben c'est mon accent belge. D'accord, d'accord, allez-y. Donc, apparemment, suite à un problème de mes textes. À votre avis, quel texte pourrait me poser problème ? Allez-y, rappelez-le, allez-y. Apparemment, elle me regarde, je kiffe ça, ou j'ai plus le time, ou voilà, voilà. Oui, oui, allez-y, faites-moi un petit couplet de « Elle me regarde, je kiffe ça », allez-y, allez-y. Elle me regarde, je kiffe ça, elle me regarde, je kiffe ça, wow, elle me regarde, je kiffe ça. Tous dans le bendo, à son boucané pour la dernière bouchée de ma fée. Alors, voilà en gros à peu près mon son. Ouais, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Ah, ça, c'est pas gentil. Ah, non, mais ça, c'est pas gentil. Je vous le dis. Sortez-moi l'autre chanson, là. Allez-y. Laquelle autre chanson ? Truc de débile, là. Ce que vous avez en stock, là. Allez-y. Le réveil sonne, bordel. Il est déjà 8 times, c'est galère. Je suis pas en avance, c'est la merde. C'est pas. Franchement, vous me mettez quand même un peu en stress. Tu vas arrêter de te faire dessus. Hein, toi, le rappeur du ghetto. Il stresse avec le coup de fil d'un agent. Alors tu t'y files et puis tu rechantes. C'est parti, on y va. Le réveil sonne, bordel. Il est déjà 8 times, c'est la guerre. Je suis pas en avance, c'est la merde. Faut que je me prépare, le retard me rattrape. Faut pas que je traîne. Très bien. Vous voulez encore un autre morceau ? Foutez de ma gueule ? Non, je ne me foutrai pas de votre gueule. Mais vous avez mais bu, monsieur ? Est-ce que vous avez bu, monsieur ? Non, je n'ai pas bu, hormis un ice pêche et un peu d'eau pétillante, monsieur. Et vous m'avez tellement filé le stress, je n'ai même pas su manger mon assiette de patates rissolées avec des oignons et des œufs. J'en ai rien à foutre, on n'est pas dans une cantine là. Vous n'êtes pas là à me décrire chacun de ce que vous bouffez là. Mais on rigole ou quoi ? J'ai envie de vous enlever le sourire, moi. J'aimerais que vous fassiez une chanson pour les forces de l'ordre. Pour les forces de l'ordre ? Oui. C'est vraiment me demander beaucoup parce qu'en général, je prends des notes. Allez-y, lâchez-vous. Quand t'en roule, appelle le 17. Appelle le 17. Si t'en roule, appelle le 17. Appelle le 17. Oui, j'avoue, il y en a marre de tes disquettes. Appelle le 17. Alors tout le monde sait qu'on aime la police. Je sais que je prends des bains de douche et j'avoue avoir la police. Très bien. Rince-toi la tronche d'eau froide. Me rincer la tronche d'eau froide. Ben, on y va. Hein. Vas-y. Voilà. Arrose, arrose. C'est parti, on arrose alors. Ouais, un petit peu froid de l'eau quand même. Vas-y, dis j'aime ma police. J'aime la police. Je veux moi aussi être policier. Je veux moi aussi être artiste dans l'univers du rap. Moi aussi je veux être policier. Moi aussi je veux être policier. C'est bien mon champion, c'est bien ça. T'as la tête bien mouillée ? Ouais, j'ai la tête bien mouillée. Tu vas dehors maintenant. Allez, on va dehors alors. On va dehors. Pour que je te disculpe et que je te foute la paix. Tu vas dire, ouais. J'aime la police française, c'est la meilleure des polices, je vous aime. J'aime la police française, j'aime les 17, la police française c'est la meilleure. Bravo, et avec eux on est en sécurité, vas-y. Et avec eux on est en sécurité. J'aime ma police. J'aime la police. J'aime les gendarmes. J'aime les gendarmes. J'aime les gens qui sécurisent mon pays. J'aime les gens qui sécurisent mon pays. Plus jamais je leur manquerai de respect. Plus jamais je leur manquerai de respect. Mes chansons autour de la police négative, c'est fini. Les chansons autour de la police négative, c'est fini. Vive la police, vive la France. Vive la police et vive la France. Bon, tu rentres chez toi maintenant, gamin. Et je peux vous poser une petite question quand même. Vas-y. Est-ce que vous êtes le jury de Check My Heart ? Bah, t'es un petit malin. Finis. Te rappelle demain. Ok. Y'a pas de soucis. À demain. À demain. Et les gars, énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini avec lui. C'est qu'on va le retrouver très vite dans le Rico Show sur Énergie, 20h-23h. Allez, les news arrivent. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Hashtag Rico Show sur Énergie. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Ooh. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Allez, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Allez, on est avec vous jusqu'à 23h et David me dit hashtag Ricochet sur Énergie. Il est complètement fou de crier dans la rue, il va réveiller les poulets. Ah non, Emeric, tu profites qu'il est belge pour lui faire dire j'aime la police française, c'est les meilleurs. Le commissaire Latour est ouf, nous dit Caro. Et Samy, qui était juré, hein, vous le savez, du canular. Alors, mon Samy qui a fait le 0870 42 48. T'en as pensé quoi, mon poulet? J'en ai pensé que j'ai hâte d'être à demain. Ah, ça fait plaisir, mon Samy. C'est vrai qu'on va le rappeler. Alors peut-être pas demain, ouais. Puisque c'est vrai que lui, il pense qu'on est maintenant un juré d'une nouvelle émission. Ouais. Le gars, c'est fait un film. Sévache me dit, c'est fait un film. Il est excellent, celui-là. Je l'appelle en tant que policier. Il croit que je suis le juré de Check My Heart. J'ai regardé sur Internet. C'est un truc un peu sympa, ouais, hein, comme la Nouvelle Star et tout. Le mec est à fond. Pas de problème. On va le rappeler. On va s'en amuser. Il m'a l'air à point. Oh oui. Samy, du coup, je te rappelle quand on le rappelle. D'accord, mon Samy? Pas de soucis, tu me tiens au jus. Je suis là, allez, je suis à toi. Je te tiens au jus, je t'envoie un texto, t'inquiète. Bisous, mon Samy. Ciao, Samy. Bisous. Ciao. Ciao. Quel bonheur de vous avoir avec nous. 0870 42 48. C'est l'heure des news, les amis. Et vous le savez, je vais vous parler du malin du jour avant de vous parler de l'élection du plus beau popotin qui a dérapé. Ouais, ouais, on va en parler dans 3 minutes. Ça dérape. Ah, bah, c'est une histoire de Huc. Hein. Bah, c'est normal. C'est une histoire de cucu. Hein. On peut le dire, hein, c'est autour du popotin. Non, mais c'est vrai. Le malin du jour. Alors, pour contourner les règles de Ryanair, vous savez, Ryanair, c'est une compagnie low cost pour voyager. Par contre, ils t'attendent. T'arrives avec un kilo de bagages. T'es mort quoi. Grave. Tu vois, faudrait voyager à poil. Le mec a prévu quelque chose pour détourner le poids des bagages. Nous demain on va à Cannes, tiens, au Energy Music Award. Ouais. Vous avez prévu de mettre un bagage en soute ou pas? Bah oui, moi oui. Oui, Sarah. Moi oui, j'ai des rasoirs, je peux pas voyager avec. D'accord. Mais oui. Mais tu peux pas te raser avant de prendre l'avion. Mais non, ça pousse. Oh les gars, il y a Conchita Wurst qui est invitée. Faudrait pas qu'elle fasse de l'ombre à la femme à barbe. Donc on va la raser de près. Mais t'es con, on laisse les rasoirs à la maison, ben prends ouais. avec le truc et puis tu te raseras sur place. Merci. Non, j'ai mes rasoirs 4 lames spéciales qui coûtent cher. Ah oui, d'accord. D'accord. Si c'est du Delam, ça passe pas. Hein. Non. Le rasoir se barre. Hein. Il n'est pas d'accord avec la beubard de Sarah. Hein. Le rasoir 18 lames direct, alors. Hein, parce que bon. Ah oui, bah c'est inventé pour elle. Hein. Bah ouais, ils ont fait une étude de marché. À chaque fois, ils rajoutent une lame toutes les années. T'sais. C'est pour ça. Ouais. Tiens, on accueille Damien qui a fait le 0870 42 48. Ça va, Dams? Ouais, ça va et vous les gars? Écoute, impeccable. Damien de Besançon, t'as une idée comment on fait pour contourner un peu les règles de Ryanair là pour arriver avec des bagages sans les payer là? Est-ce que t'as une idée, Damien? Ouais, le petit biberon quoi, tu sais, tu mets de l'alcool dans une bouteille de coca et puis tu mélanges quoi. D'accord, ah oui, non mais. C'est quoi ah, ça c'est pour les boîtes. Non mais j'ai compris, lui en fait quand il voyage c'est avec de l'alcool. Avec modération évidemment, ouais, Damien ça lui ne. Temps, tu vois, au moins toi c'est tranquille comme ça. Ouais, quoi. Ouais, doucement, non les gars, ouais, avec modération, jamais. Avec modération, je suis d'accord. Oui, avec modération le biberon. Ouais, mais bon, c'est vrai, vu que tu pilotes pas l'avion, tu peux te permettre. C'est vrai aussi, mais non. Très léger avec modération. D'ailleurs, dans l'avion, on peut te servir un petit verre. Ah oui, un petit verre, oui. Il a le droit. Bah, Sylvain. C'est payant, par contre. Hein. Ouais. Voilà. Pas toujours, Sylvain. Ouais. Pas toujours, pas dans toutes les compagnies. Ah, d'accord. Sarah. Non, il doit mettre dans les bagages des autres. Tu vois, il doit s'arranger avec eux. Alors, en fait, le patron de Ryanair, il est dégoûté. Franchement, ouais. Il est vénère. Mais non. Parce qu'il y a un flou juridique. Tu peux pas porter plainte contre ça. Et Ryanair, ils se sont fait carotte. En fait, il a inventé un manteau type inspecteur gadget. Il y a au moins une dizaine de poches. Ouais. Et le mec peut mettre 10 kilos dans son manteau. C'est un grand manteau. Je jure, vous voyez la photo, franchement c'est hyper crédible. C'est un petit peu comme, vous savez, dans les dessins animés, les mecs ils ouvrent le manteau de chaque côté, tu vois, d'une main, et puis il y a plein de trucs sur chaque, dans la veste. Et ben là c'est pareil, le mec il peut loger des vêtements, des fringues, il a des poches de partout dans le dos, etc. Et juridiquement tu peux pas contourner un manteau, c'est normal qu'il y ait des poches. Et le gars est vénère, le gars de Ryanair, il a fait un communiqué disant que c'était pas fair play, etc. Et il a peur qu'en fait c'est maintenant on vienne acheter dans la bagagerie le manteau pour planquer les objets. Bah après tout, les mecs ils te font payer le bagage. Bien sûr, c'est relou. Non, mais ils ont raison. Mais tu sais que Sylvain le faisait, il mettait des couches et des couches, genre 10 pulls, 10 pantalons. Oh, alors, quand il allait au ski, ça allait. Par contre, quand il allait à Marrakech, là-bas, qu'il arrivait à la Palmeraie, il faisait 38 degrés, qu'il allait choper une offre sur voyage privé à 125€ le week-end. Ah, mais j'avais la rémouillée. Hein. Là, je peux vous dire que là, il y avait ce qu'il faut. Allez, on se met le pire, Maître Gims. Oui, lui, c'est le pire. Et je vous parle de cette histoire de popotin folle. Le pire, c'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan. Je regarde la télévision, explique-moi ce qui se passe. Comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté. amis, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Yes. La battle de séduction arrive dans un quart d'heure. Je sais que vous l'adorez. Sylvain contre moi, on est sur des sites de rencontres. On a un profil commun. Sarah draguée pour nous. On a récupéré les numéros et des figures un petit peu imposées pour déranger l'appel durant l'appel de chacun. Et on va voir qui est le plus grand séducteur ce soir. Je vous donnerai aussi d'ici 5 minutes pas mal d'infos autour des Energy Music Awards. On est toujours avec Damien qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va Damien toujours ? Ouais, ça va, et vous ? Bah écoute, impeccable, ouais. Faut que je te parle de cette élection-là qui a dérapé au Brésil, l'élection du plus beau popotin. Oh. Eh oui, les amis, alors quand on parle popotin, on pense tout de suite à cette musique, n'est-ce pas, Sylvain ? Ah ouais, j'ai envie de twerker, là. C'est lui qui a choisi. Hein. C'est lui qui a choisi, apparemment, vieux souvenir de boîte de nuit. D'ailleurs, Sylvain, à ton avis, pourquoi elle a dérapé, cette élection ? Bah, elle a eu une petite chasse, un petit truc, quoi. D'accord. Un truc qui s'est sorti de son popotin. Ah oui, c'est ce que j'imagine, que l'élection du meilleur popotin au Brésil, vu que là-bas, il y a beaucoup de tangas sur les plages, oui. J'imagine que le cucu est apparent. Voilà. Et à un moment donné, on a eu besoin de se soulager. Ah, c'est ça. C'est sûr. Et c'est glamour, Sylvain. C'est dégueulasse. C'est dans le glam. Non, à mon avis, elle s'est assise sur le visage du jury pour gagner. Elle a triché. Ah ouais, d'accord. D'accord, et le gars, du coup, voilà, il a une tête de cul. Ouais. Depuis, ouais. Depuis, on est là-dessus, JM. C'était au Brésil, c'est ça ? Ouais. Il y a eu erreur sur la marchandise, c'était peut-être un garçon au final quand il s'est tourné. Oh là, alors, on embrasse nos amis brésiliens. Ouais. Roberto, Paolo, tout ça, Luis, Gustavo. C'est juste que pour entrer, il passe par le bois, les gars. Il n'y a rien de méchant. C'est pas ça ? C'est pas ça. Damien, est-ce que tu as une idée ? Pourquoi ça a dérapé cette élection ? Ouais, je sais pas, peut-être parce qu'elle a bu ses fesses contre un membre du jury, non ? Ah oui, on est sur la même idée que ça. Non, pas du tout mon Damien, non. On est sur l'idée qu'en fait, la personne a gagné, ouais. D'accord ? Ouais. On lui a remis l'écharpe. Génial. Et il y a une des prétendantes qui était vénère. Ouais. Du coup, elle a arraché l'écharpe. Mais non. Et vous savez pourquoi elle a arraché ? Pourquoi ? Parce qu'elle était vénère, c'était le seul qui avait un cul naturel. Justement. Et les autres avaient le fessier silicone, du coup ça a dérapé et c'est parti en vrille. Bah justement, c'était pas Miss Silicone, elle l'a mérité d'avoir gagné, c'est un vrai cul, elle a fait du sport et tout. Elle a dit le mien est élevé en plein air. Est élevé au grain, je fais des efforts, je fais de la muscu, je monte des escaliers, les autres c'est refait, hors de question. Ouais. Elle a arraché l'écharpe, elle a essayé d'étouffer l'autre Miss Popotin, c'est parti en vrille. Et l'écharpe, elle la met où là ? Elle la met sur le cou ou sur le cul ? Sur le cou. A priori, c'est pas une écharpe en fait, c'est un pari. Remettre un paréo. Allez, on va continuer à parler de la police après l'appel à votre avis. Il y a une personne qui était hyper heureuse parce que un policier lui a fait du bien lors d'une intervention assez musclée. Non mais c'est pas vrai. C'est vrai. Il lui a même offert des Ferrero Rocher pour remercier les forces de l'ordre. Est-ce que t'as une idée, Damien, à ton avis, pourquoi lors d'une intervention on remercie les forces de l'ordre avec des Ferrero Rocher ? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils ont dit s'il vous plaît, non ? Ah oui, ils ont dit s'il vous plaît, ils ont dit monsieur, vous allez mettre les mains dans le dos gentiment, vous sortez de là. Hein. Allez, éteignez la voiture tranquillement. T'es les gars, on parlait, vous voyez jusqu'au bout. Non, on n'est pas là-dessus, ça. Bah, c'est peut-être un délire de matraque, j'en sais rien. Il a kiffé la matraque. Il a kiffé se faire fouetter, le gars. Ouais, c'était un SM, il a adoré. C'est ça. D'ailleurs, il a fait l'infraction que pour ça. D'ailleurs, il a dit une insulte, il a dit bécasse. C'est qui la bécasse ? Ah, t'es une grosse bécasse. Fais gaffe, je suis dégoupillé. C'est le gars, il s'est vénère avec le policier. Non, c'est vrai, il leur a dit YMCA. Bah, YMCA. Allez, on y va. Les gars étaient vénères, JM. Je sais pas, ça lui a déclenché une vocation. Il voulait devenir flic après. C'est vrai. Il a senti ça. Ouais. Eh bien, JM, franchement, JM, ce génie. Bravo, JM, c'est pas ça. C'est plus fou que ça. L'histoire est complètement folle. Tiens, celui qui trouve hashtag Rico Show sur Énergie, je lui fais un petit cadeau. Je vous le dis, c'est énorme. Des Ferrero Rocher, on lui envoie. Ah oui, pourquoi pas, on va les piquer. On va les piquer d'un Ferrero à l'autre. Allez, les amis, on s'écoute Taki Taki. Et puis, je vous donne la réponse complètement folle. Franchement, je suis sur le cucu. Vous avez une ultime chance de gagner vos places pour les Energy Music Awards. Écoutez Energy toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Energy. Avec deux titres de Imagine Dragons à la suite. Appelez Energy 3937. Et gagnez vos invitations pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe. Les Energy Music Awards. C'est génial. Le 10 novembre à Cannes. NRJ et Music Only. À vos micros, prêts ?

enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Allez, venez. Le Rico Show. Le Rico Show. C'est votre émission. Alors, passez à l'antenne. Passez à l'antenne. 0870 42 48. Et grâce à Sylvain Radin, l'appel est gratuit. On dit merci qui? Le Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Et oui, les amis, dans 3 minutes, petit point sur les NMA. Dans 5 minutes, la battle de séduction. Et dans 10 minutes, Malik qui va nous faire son point sur le VTC. Ça va, Malik? Ça, mon Rico? Écoute, gros VTC ce soir, je sais que t'es avec la révélation francophone de l'année, Sarah, hein, des Energy Music Awards. Et elle est très particulière. Ah, très, très particulière. Et j'ai tout d'elle, hein, parce que je suis super fan d'elle. Hein. Je suis son bodyguard ce soir. Merci, Malik. J'ai dit dans 10 minutes. Hein. Ah, merde! Mais je suis fan d'elle, je peux pas m'empêcher de pas parler d'elle. Je sais, je sais. Merci. Je sais, et d'ailleurs Sarah l'a embrassé pour la mettre dans le mettre Malik dans le délire. Dans le rôle, ouais. C'était elle sympa, ça elle fait un bien. Effet psychopathique. Ah oui, quelque chose de bien. Non mais je sais pas, je sors des mots au pif comme ça. Ah bah c'est comme ça, t'es troublé Malik. Ouais, je suis troublé, c'est Sarah. Ça s'appelle le trouble Sarah. De l'amour. Ouais, voilà. Pourtant aujourd'hui tu la trouves charmante Sarah, franchement. Aujourd'hui bizarrement ouais, elle a un beau style, elle a une belle casquette sur la tête, franchement elle est mignonne. Merci beaucoup. Tu vois quand tu plantes les cheveux gras, c'est mieux. Allez Malik, à tout à l'heure. Je vous parlais de cette news complètement folle les amis. Arrêté par la police, il a offert des Ferrero Rocher. Et puis il y a Fabio Poindé qui a trouvé. On va le contacter là sur Twitter pour lui faire un petit cadeau. Les flics lui ont débloqué les cervicales. En gros, il avait une vertèbre coincée depuis des mois et des mois. Je suis sûr, c'est la tête de ma mère. Et non, c'est pas une vanne. Et lors du contrôle, vu qu'il était un petit peu mis en cause, ils l'ont secoué, d'accord. Son interpellation sans violence, hein, dit-il, a permis de débloquer une de ses vertèbres cervicales, hein, pour laquelle il souffrait depuis 6 mois. Mais c'est génial. Voilà, c'est réglé. Ils l'ont mis sur la voiture, cric-crac. Et le mec a dit merci les gars, puisque en m'attrapant, vous m'avez fait ce que l'ostéo ne m'a jamais fait. T'imagines. C'est ouf, hein. Eh, vivement qu'il t'interpelle, ça. Pour remplacer Mehdi. Mais t'es méchant. Mais non. Pour lui remettre le bassin, sinon. Oh non. Non. Il a jamais été touché. C'est des grands malades. Il a pas été souvent déplacé. Elle ne risque rien. Alors, c'est elle qui va jamais chez le kiné, c'est bien ça. Il y a aucune cabriole à venir. Oui. Allez, on a toujours Damien qui est là. Damien, il paraît que tu savais, me dit-on. Ouais, j'avais entendu parler de l'info. Je regarde un petit peu Internet. J'avais regardé un petit peu. Ah bah Damien, si c'est toi, faut le dire tout de suite. Mais grave. À un moment donné. Ouais, mais j'aime bien ça aussi, me faire jouer les vents pour. Ah oui, il faut dire Damien, il faut dire si c'est toi justement qui t'es fait arrêter. Balance. Allez. Balance. Dis-le. Allez, dames. Oui, j'avoue. Non, je rigole. Comment Damien? C'est lui qui a arrêté. Ouais, c'est. Ah, mais c'est peut-être le flic, c'est pas. C'est toi qui as fait du bien. Non, mais c'est pas vrai, c'est cette news. C'est énorme. C'est vrai, qui c'est Damien? Damien, tu fais quoi dans la vie? Je suis agent de sécurité, moi. Ah, bah, tu vois, tiens, t'as vu la grosse dédicace qu'on a fait sur l'appel à votre avis, hein. Vraiment, on embrasse tous ceux qui sécurisent la France. Ouais. Oui, merci. C'est important. C'est gentil, franchement, ça me fait plaisir. Ah non, mais c'est important, sérieux. Surtout quand tu sais qu'il y a des Sylvain Potard dans la rue. Oh là là. On a besoin de vous, les gars, ne craquez pas. Les gars, si vous n'êtes plus là, c'est fini, hein. Il va nous bouffer la main. Hein, je veux dire. Non. On lui donne le doigt, celui-là, il est terrible. Non, mais c'est un truc de ouf. Les amis, avant de se faire la battle de séduction, tiens, une petite news qui connecte. C'est le coquin du jour aux Pays-Bas. En fait, un homme a demandé à la justice de lui changer son âge. Notamment pour être plus actif sur Tinder. C'est pas une vanne. C'est pas. En fait, le mec, ce qui s'est passé, c'est qu'il a 69 ans, il fait plutôt 50 ans. D'accord. Et lui, il dit que ça lui porte préjudice parce que même dans la tête, il sent l'âme d'un quarantenaire. Et du coup, sur les réseaux sociaux, quand il dit son âge, c'est problématique. Quand il veut un crédit, on lui prête pas d'oseille parce qu'il est trop vieux. Ah. Il arrive plus à retrouver du boulot alors qu'il a envie de travailler et c'est qu'il horrible. Se sent la forme. Et les médecins ont fait une visite médicale du bonhomme et ils ont dit non, mais c'est vrai, il est aussi bien portant qu'un mec de 45 ans. Wow. Et donc, il lui a dit voilà, comme les gars changent leur nom. Moi, j'aimerais bien changer mon âge parce que ça me discrimine. Voilà. Donc, j'aimerais bien changer mon âge. Et il a fait un recours devant la justice. Et c'est en cours. Oh là là. On sait pas trop si ça va le faire, mais vraiment, il a les preuves comme quoi il fait vraiment 45 ans sur tous les points, quoi. Mais il va redonner espoir à tout le monde. Moi, j'ai envie de faire ces tests-là. Tu me donneras l'adresse et tout. Je veux le faire. Moi, j'ai 20 ans, tu sais. Vraiment, dans ma tête. Je te jure, et dans mon corps. Sarah, toi, c'est à l'inverse. Non, mais ça peut porter. Voilà, t'es quand même plus âgé, Sarah, dans un petit peu tout. et je pense qu'il faut faire le changement. Moi, j'aurais été chaud pour repartir à 25 aussi. C'est l'âge qu'on me donne souvent, tu vois. Après, les gars, vous faites globalement tous votre âge. Lui, le gars, vraiment, il faisait pas son âge et il disait c'est discriminatoire. Comme le mec, voilà, qui a un zizi qui lui. Un zizi. Oui. Enfin, un nom qui lui plaît pas. Pourquoi tu pensais au zizi? Je pensais à un mec qui s'appelait Zizi, quoi. Mais il t'appelle Ben Zizi. C'est compliqué. Monsieur Ben Zizi. Tu fais Ben Zizi, ça passe. Voilà, tu mets Ben Ziz, quoi. Ben Zizou. Ben Zizou, t'es content. Fils de Zizou, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il y en a rien qui change de sexe. Il y en a qui deviennent femmes et après ils deviennent hommes. Ah, c'est maintenant que tu nous parles ton changement. Bah non, mais Sarah, tu vois, elle était homme. Vas-y, arrête, lâche-moi. Non, Sarah, je suis pas sûr. Je peux te dire que je suis pas sûr. Non, finalement, je pense que vraiment c'est. C'est un animal. Je pense que c'est un truc. Je t'expliquerai. Je pense que c'est un truc. Damien, merci d'être passé et de faire un petit cadeau, mon poulet. Ouais, il y a moyen de faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y, Damien. Alors, une petite dédicace à Sandwich, un petit Franck qui doit manger un petit Mont d'Or à Paris, là. Ah oui, c'est bon, ça. Et à Fracker et puis à Ralif dans le Jura, à tous ceux qui me reconnaîtront en Franche-Comté. Voilà. Eh ben, écoute, je t'embrasse, Damien. Et c'est vrai que le Mont d'Or, j'adore. Le Mont d'Or, super bon. J'en ai mangé un terrible à Pontarlier avec des petits oignons là, bien cuits. Oh là là. Avec les petites patates chaudes à l'intérieur. Oh là là, avec un brin de concoyote de temps en temps aussi, ça fait pas de mal. Oh putain, l'hiver arrive, on va mal bouffer. Vous la sentez la fondue qu'on va se mettre dans la gueule. C'est quoi un concoyote? Concoyote, c'est un concoyote, tu connais? Vas-y, bah oui. C'est pas mal celle-là. Bah oui, la concoyote, elle est super bonne. C'est, tu la mets en fait, tu la réchauffes. Mm-hmm. Et puis c'est un fromage qui est plutôt liquide, sympa. Fromage fondu. Fromage fondu, quoi. Mais c'est super bon. J'aime bien. Tu vas te régaler. Tu notes? Je note. Allez, vas-y, note. Merci, mon Damien. Bonne concoyote. Pas de quoi, merci à vous. Ciao. Salut mon Damien. Cool. Premier sur la Franche-Comté, hein. On adore les produits du terroir, c'est nous ça, c'est nous. On se fait la battle? Allez. Allez, on s'y file. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'un petit plâtré de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui, Sarah a dragouillé des jeunes femmes avec un profil identique. Enzo, qui travaille dans un salon de coiffure à Levallois-Perret, sur les différents sites de rencontres, notamment Tinder, notamment Mythique, etc. Elle a récupéré en fait des numéros. Et Sylvain et moi, on va se confronter. On aura 3 minutes chacun pour tenter de conclure un rendez-vous ce week-end avec des figures imposées très, mais alors très particulières. Vous allez voir, il va y avoir du changement de voix. Je vous en parle après. Bad Bunny et Drake, vous adorez ce délire. Ça arrive, c'est là. Quel kiff. On est bien ensemble. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El terno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Tú eres mía, mía, Allez les amis, c'est la battle de séduction. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça ? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui, les amis, on va se régaler, c'est toujours un grand moment, cette battle de séduction. Franchement, on se régale. Vous votez hashtag Ricochot sur Énergie. Qui est le meilleur séducteur du soir? Sylvain n'a pas encore ouvert le compteur, mais il s'en rapproche. Ouais. Il est quand même meilleur de semaine en semaine. Hein. Ouais. Non, mais j'ai l'impression de séduire toutes les semaines maintenant. J'arrête pas. Entre Tinder la peur, le Tinder là. J'aimerais bien qu'à Cannes tu séduises, parce que chaque fois qu'on a délocalisé une émission, tu nous vendais du 100%, du grand monsieur. Là, tu restes deux jours quand même. J'espère que la piole va être chargée. J'ai préparé le terrain. T'as préparé le terrain. Ça t'est pas du jeu, mon tombeur. Ça fait deux mois qu'il est là, il envoie des textos à tout Cannes. Tu sais, il mettait Tinder, géolocalisation à Cannes. Avec sa nouvelle coupe, de toute façon, personne va lui résister. Il n'y a aucune fille qui va lui résister. Là, je peux te dire. Et là, avec la coupe qu'il a, s'il pleut, il peut faire parapluie. Pour gars, toute l'équipe. Mais là, il a une chemise, les gars. Il a une chemise, c'est une moumoute. Tu sais, on dirait l'éléphant dans le livre de la jungle. Il a trois voiles sur la tête, mon frère. Et on dirait qu'il a une peu coup de ouf. C'est le même gars que dans le livre de la jungle, cet éléphant. Il est fort sur le brushing. C'est le gars. Les amis, on va se faire ça. Derrière, on se fera une petite page NMA. On va vous raconter ce qui va se passer demain. Vous allez rigoler. Et on parlera des choses qui nous excitent à ne pas endormir. C'est pas ça. Ça, c'est sûr. Oh, ça va lâcher moi ce soir. Il y aura aussi le retour de la boîte à questions. Eh oui, aujourd'hui, puisque demain on n'aura pas le temps de la faire, on aura une dizaine d'artistes que je vais vous présenter. Donc on se fera tout ça. On va se régaler. Le VTC de la peur. On est là jusqu'à 23h avec vous pour kiffer. Sylvain, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis chaud. Il y a trois figures imposées. La première, je vais te bolosser puisque t'es en direct de ton salon de coiffure et tu m'as mis la barbe de travers. Enfin, on m'a fait la coupe que t'as, quoi. Du coup, je suis remonté. Là, vraiment, je suis dans le perso. Tu vraiment tapé le coup, quoi. Donc, comme j'ai tapé le coup, je suis pas bien. Ouais. D'accord? Donc là, je vais te. Ne sois pas violent, Rico, parce que. Tu sors avec ça. T'as raison. Mais là, vous avez votre gueule. Tu mets des parfums. Non, mais attends. Le coiffeur qui me fait ça, je mets des parfums. Le coiffeur a du gaulerie quand il l'a vu, c'est pas possible. Non, mais il y a eu un truc. En plus, lui, il est arrivé pour gratter sa coupe gratuite. Il a dit Joanema, frérot. Joanema. Donc, il a dû arriver, tu sais, avec moins de gentillesse. Et j'ai Joanema, il faut que tu fasses une peu coup, tu vois. Là, tu n'as rien à branler. Donc il lui a mis les cheveux d'équerre, d'accord. On se fera aussi le rire de Claude Alexo. Il faudra le faire deux fois, trois fois dans l'appel, d'accord. Et puis à un moment donné, tu vas devoir changer ta voix aussi trois fois et faire une voix de meuf. D'accord. D'accord, mon Sylvain, tu vas parler et tu d'un coup. Oui, excusez. Ça va partir. Enfin, bah, tu essaieras. Pas une voix de meuf, tu feras une voix de con. Une voix de con. Voilà, hein, parce que ça, c'est voix d'aucune femme. Les femmes sont douces, sont jolies, sont tendres et heureusement, Dieu merci, n'ont pas cette voix. Ok, mon Sylvain. Allez. Est-ce qu'on y va? C'est parti. C'est parti, on va chez qui? Françoise. Françoise. Ok, je répète les figures imposées. Je t'embrouille pour le salon de coiffure, tu ris comme Claude Alexo et voix de meuf. On va chez Françoise. Elle a quel âge, Françoise? Oh, t'embête pas, tu vas voir à sa voix. Ton âge. Écoute, tu t'appelles Jean-Marc, t'es bien jeune. J'avoue, merci Rico. C'est pour ça. La 19 ans, Françoise. Ah ouais, putain, c'est pire que j'y aime ça. C'est plus dur. Elle vient de naître. Tu fais un procès à tes parents. Allô? Oui. Oui, Françoise? Ouais, bonsoir. Comment tu vas, Senzo, à l'appareil? Oui. Ça va, tu es en grande forme? Bah écoute, ouais, ça va. Un gros rhume, mais bon, ça va. Ah, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ah, faut se couvrir, hein? Faut se couvrir un petit peu, hein? Ah ouais. Ah là, je suis en plein taf, là, je viens de finir un mec, là, et il m'a saoulé, là, oh là là, j'en peux plus. Ah bon? Je peux te dire que là, en ce moment, c'est compliqué, hein. Je sais pas c'est quoi, c'est la pleine lune ou je sais pas quoi, mais putain, les gens, ils sont énervés, excités, oh là là. Moi, je suis excité, mais dans l'autre sens, tu vois, pas dans les énervements, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, c'est compliqué, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh là, t'es une petite toux, toi. Écoute, ouais. Bah écoute, c'est quoi la feu que tu m'as fait, là? Attends, j'ai le client, là. C'est quoi cette coupe de merde? Mais t'es sérieux ou quoi avec ton toux? Tu m'as fait un toupet, là, on dirait que j'ai une moumoute. Mais ferme-la, toi. Tu m'as dégagé derrière les oreilles. Mais c'est quoi la barbe? Y'en a une qui gelée au niveau sous l'œil, là. Mais t'es sérieux ou quoi? Au niveau du menton. T'es un charlatan, pauvre merde. Mais t'es malade, toi. Je suis artisan premier. T'es sérieux? Ah, tu vois, je te l'avais dit. Okay. T'es là, Françoise? Ouais, je suis là. Désolé. Je te dis, un vrai connard, ce mec. Oh là là, je peux plus le piffrer. Casse-toi! Casse-toi de mon salon, enfoiré. Crevard. Ouais, c'est ça, ouais. Barre ta mère. Ouais, désolé. Ouais, c'est moi, il est parti. Ah ouais. Putain, je te dis, c'est dur en ce moment. Oh là là. Ah ouais, t'as beaucoup de clients par jour. Ah, j'arrête pas, j'arrête pas. Nous. T'arrêtes pas. Ah, c'est maçonnerie. C'est maçonnerie qui se déclenche là. Je viens de recevoir un petit texto, ouais. Ouais, je te disais, toi, t'es d'où, toi? Tu m'as pas dit. Je suis banlieue sud, dans le, du côté de Sceaux. Ça te parle? Ah ouais! Ah oui! Ouais, ouais. Sceaux, ouais, je connais, ouais, très bien. Ouais, c'est 80, 91, ça. 91. Ah, 92. Ouais, 92. Ouais, ouais, 92, ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est à côté du 91, hein, c'est pas loin, quoi. Non, pas du tout. Ouais, j'étais à côté, quoi. Hein? Non, c'est ça? Pardon? J'étais à côté, quoi. 91, 92, c'est à côté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça ouais, suit, ouais, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les chiffres, hein. Tu sais, 91, 92, 93, voilà. C'est clair. C'est ouais, clair. C'est ça. Et tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, je suis avec des amis. Ah, t'es avec des amis? Oui. Excuse-moi, j'ai une chatte dans la gorge en ce moment, je peux te dire, ça arrête pas, quoi. Excuse-moi. Ah, j'ai des problèmes au niveau du larynx. Je sais pas si ça te fait ça, toi. Des fois, j'ai ma voix qui se modifie, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et sinon, donc tu fais quoi ce soir? Oui, sinon. Ouais, donc je te disais que je suis avec des amis ce soir. Ah d'accord, et ça se passe bien ou pas? Tu vas... Excuse-moi. Et tu vas faire quoi? Tu manges avec eux ou pas? Oui, oui, on est tous ensemble, oui. Ah, sympa, d'accord. Et tu fais ça où? Tu fais ça chez toi ou chez tes amis? Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Tu vois, ma voix, elle part. Elle part. Bon, on se voit demain ou pas? Ça te dit? Un petit café? Bah oui. Pourquoi pas? Bah ouais, grand plaisir. Bah je te rappelle demain et on se bloque ça et. Bon, c'est toi qui payes, hein, par contre. Hein. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est gentil. Ok. Non, ah. Non, y a pas de souci. Ok, bah on se voit demain alors. Allez, okay, je t'envoie. Ciao. Ciao. Sylvain, Sylvain, Sylvain, Sylvain, Sylvain. T'as été exceptionnel, Sylvain. Vraiment, c'était magnifique. Allez, je te le donne, vite à Slimane et puis je m'y file. Dites-moi ce que vous en pensez, il a mis la barre très haute ce soir. Hashtag Ricochot sur énergie. Comme quoi, sur un malentendu, ça peut marcher. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, je te le donne, je te le donne. faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Allez les amis, on est en pleine battle de séduction. Sylvain a été magnifique. Ouais. Ah, vraiment, il a tout placé, ses figures imposées lors de son appel séduction. Si vous nous rejoignez, on s'affronte avec des sites de rencontres où Sarah récupère des numéros. On s'appelle Enzo, on est coiffeur, barbier justement du côté de Levallois. Et à un moment donné, il y a un client qui arrive parce qu'il n'est pas content de la coupe. Il y a des rires un peu hystériques. Et on a également faire une voix de meuf en parlant. Allô, ouais. Donc il faut alterner tout ça et conclure un rendez-vous. Et Sylvain a réussi à se faire payer le café. Énorme. Il a été énorme. Tout ça en 3 minutes 40, mesdames, messieurs. Bravo. Bravo, Sylvain. Franchement, j'aime. Il faut quand même dire que la photo du mec sur Tinder, il est vraiment beau gosse aussi. Il est beau gosse. Et la dame, Françoise, est très vieille et elle a très faim. Je me dis, il y a de ça. La meuf, ok, bah, pas de soucis, je te paye. La meuf, elle voulait te croquer. Ouais. T'aurais pu teps, je crois, au micro. Et je crois qu'on va la garder, elle, en fin d'émission. On va tout lui faire. Tu vas lui roter dessus et tout. Non, mais quoi, la pauvre. Je me dis que le mec, on va voir jusqu'où elle est prête pour faire un œil. Si vous êtes d'accord, vous me dites si ça vous chauffe. Fin d'émission, on termine par ça. On termine par ça et Sylvain, il fait de la dragouille à fond. En tout cas, tout le monde te dit t'es énorme, Sylvain. J'ai beaucoup rigolé avec ton rire, nous dit Babouchka. Sylvain, un peu lourd, mais il était pas mal. Mais Rico Valbat, ça va être chaud, Macaro. Bah, j'avoue, chaud, Sylvain, ouais. Il a été plutôt bon sur la battle. J'espère qu'elle va pas raccrocher la mienne. D'ailleurs, comment on va définir si tu gagnes? Parce que là, il a eu le rendez-vous. Ouais. Elle, il va lui payer le café. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses de plus? C'est les auditeurs qui décident. Ah, d'accord. Oui. C'est vous. C'est la vous. La décroche. 0870 42 48. Vous élisez le meilleur. On y va, c'est parti. Je vais chez qui? Essaye Inès et sinon on fera Sally. Putain, elle où Sally? Ah ouais. Putain. Sally, c'est à l'américaine. Je suis dans un tracteur. Allez, on y va. J'appelle Inès. Allô? Allô? Laissez votre message. Ah bah ce sera Sally. Ah putain, ce sera Sally. Sally, les bons tuyaux, c'est ça? Y'a que Sally ici. Après, faut payer les deux autres. Hein. Oh putain. Allez, allô? Oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. C'est pour en parler parce que je suis en train de manger. Ah, d'accord, bon app. Écoute, moi, je suis au salon, là, j'ai bossé un petit peu. J'ai fait 2-3 coupes de cheveux, là, je me suis un petit peu pressé, et puis voilà. Toi, tu fais quoi? En train de manger. Ah, t'es en train de manger, ça va, tu manges quoi? Raclette. Ah, une bonne petite raclette. T'aimes bien? T'en manges souvent? Bah, quand il fait froid, oui. Ah ouais, là, moi, je vais me faire des fondus, des concoyotes, des trucs... Hé, hey, connard! T'es attends, sérieux? Excuse-moi, il y a un client. Hé, hey, t'es sérieux, ce que tu m'as fait, là? Qu'est-ce que t'as? Bah, regarde. Ah, putain, je me suis... Je suis coupé plus d'un côté que de l'autre. Repasse me voir. Non, tu me le fais maintenant, le truc, là. Non, repasse me voir. Mais t'es sérieux ou quoi? Repasse me voir. Hé, hey, j'ai payé 15 balles, là. 15 balles pour ça? Pour cette merde? Ah ouais, tu vas voir, toi. Repasse me voir. Je m'occupais de toi. Hey, repasse me voir. Hey. Ah, salut, je suis désolé. Tu m'entends, Sally? Ouais, y'a pas que... Non, tu sais, je suis... Non, c'est que je file un petit coup de main à une association avec des personnes qui sont un petit peu en difficulté. Je donne un petit peu de mon temps, tu sais, le soir. Et t'as, il me fait rire, là. Je donne un petit peu de mon temps le soir, et du coup, les mecs, tu sais, des fois, ils sont pas reconnaissants, quoi. Tu donnes de ton temps, et les gars, derrière, ils t'en veulent. C'est terrible. Enfoiré! Et va-t'en! Non, ils sont fous les mecs. Ils sont fous, je donne un peu de mon temps, tu sais. Et puis derrière, je me fais toujours lâcher. Ils sont jamais contents. Tu sais, ils sont neuneux terribles. T'es un neuneux, quoi. Ok. Bon, tu fais quoi toi ce week-end? J'ai prévu d'aller danser. J'adore danser. Putain, c'est ouf! Tu danses sur quoi? Eh bah, si on danse la même danse, Kizomba. Le kizomba, j'adore. Oh putain, yep et bim, et ça tombe là. Waouh, ça y est, j'y suis là. Putain, et ça qui, et ça zon, et ça bat. Yep. T'as vu, je suis un peu dedans là. Tu t'en fais un petit peu, faudrait qu'on s'en fasse ensemble. Sérieux, tu danses la kizomba? Ah bah oui. Si moi je danse la kizomba, si moi je danse la kizomba. Mais comme personne. Mais comme personne, moi ça dit bam, ça bouge, tac, tac, tom, bam, bam. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Tu veux qu'on se fasse une petite bouse ce week-end ou quelque chose? Bah, je sais pas. T'es dispo quand toi? Bah, je t'invite, hein, si tu veux. On se voit samedi, hein. On se fait une petite soirée ensemble. Moi, j'aime dire. Bah, justement, je sors samedi. Ah, bah, écoute, plutôt peut-être dimanche, si tu veux. Dimanche? À reconfirmer, ouais. À reconfirmer, ouais. On peut se faire ça. On peut se faire ça dimanche. Tu veux, je t'envoie une voiture, on se fait une petite bouffe ensemble. Est-ce que ça te va comme ça? Une voiture, carrément. Mais je t'envoie une super voiture. J'ai une petite voiture, j'ai un pote. J'ai une petite compagnie, je t'expliquerai. Ils viennent te récupérer, on se fait une petite bouffe, un truc sympa. Un truc un peu intime, un peu cool, hein, pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Et on se fait ça, est-ce que ça te branche? Tu me reconfirmes ça, je te propose le plan et puis tu me dis quand t'es dispo ce week-end. Ça te va? Ok, pas de soucis. Ça te va? Bon ben nickel. Nickel. Merci Sally. De rien, merci à toi. Et je te souhaite un bon appétit. Merci, bonne soirée. Plein de bisous. Tiens. Bah il a fait le coup de la voiture encore. Oh, bah je rattrape, il y a des difficultés. Excusez-moi, moi, Sally, elle est jeune, elle est fraîche. Ouais, les gars. Et j'ai pas Françoise qui a la dalle au castor. Hein. Ouais. Qui c'est qui a gagné là? Elle, allez, je sais pas. Les gars, vous allez faire vos choix. Vous allez faire vos choix. Hashtag Rico Show sur énergie, je vais prendre 5 personnes. Ouais. Là, pendant la pub, 0800 70 42 48. L'appel est gratuit, vous désignez le vainqueur. Sylvain ou Rico, voilà, vous appelez 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. On sélectionne la personne à la décroche, ça tombe. D'accord? Les amis, on va parler aussi des choses qui vous excitent tellement que vous ne pouvez pas endormir. Ouh. Et puis on a Malik qui est au volant de son VTC. Il va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. Et puis gros point sur les NMA. Demain, on vous réserve une émission exceptionnelle. Je vous dis tout, bougez pas, c'est énorme. Et on voit qui de Sylvain ou de moi remporte cette battle. On revient, allez. Vous avez défendu vos stars énergie préférées. Vous avez voté pour elles pendant plus d'un mois. Elles seront à Cannes samedi soir pour les Energy Music Awards. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Refix.fr samedi soir à 21h en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Leclerc. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial! Allons vivre les Légendes de la Force! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour 2 produits partenaires achetés. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures! Tous chez Leclerc! Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur NRJ 12. Les anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés, on n'a même pas commencé le job, c'est une cata. Ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité, alliance inattendue. Mon ex, c'est peut-être ma future copine qui sont en train de parler. Clairement, je me dis que c'est une blague, c'est quoi ça? Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur NRJ 12. Les 10 et 11 novembre, Le Monde vous donne rendez-vous au SAGE, le salon des grandes écoles. Le SAGE, c'est plus de 150 écoles, des conférences animées par des journalistes du monde et des séances de formation. Le SAGE, les 10 et 11 novembre, de 10h à 18h, à la Cité de la Mode et du Design, à Paris. Inscription gratuite sur salon-grande-école.com. Gagnez toute la journée votre compile officielle des Energy Music Awards 2018. Tous les hits de l'année 2018 sont réunis sur 3 CD plus un DVD en édition collector avec Big Flo et Oli, Petit Biscuit, Ed Sheeran, Kenji Girac, Maître Gims, Vianney, Maroon 5. La compile officielle Energy Music Awards 2018, déjà dans les bacs. Le Leclerc. Juliette, regarde. Tadam ! T'as un iPhone, toi ? Hé hé ! Avec les super promos Leclerc, l'iPhone 6 avec 32Go de mémoire et reconnaissance digitale est à 349€. Pour cet iPhone ? Non, mais je le crois pas. Si, et avec en plus 50€ de ticket Leclerc. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. L'iPhone 6, 32Go, gris sidéral Apple est à 349€. Avec en plus 50€ en ticket Leclerc. Vendu seul, compatible tous opérateurs, voire modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. Je peux le voir ? Oui, mais alors de loin. À vos micros, prêts ? Chantez ! Let's Sing, le hit des jeux de chant fait son grand retour avec 40 succès français et internationaux. Avec Let's Sing 2019, chantez sur les titres et les clips officiels. Et grâce à l'appli Microphone, jouez jusqu'à 4 sur Switch et PlayStation 4. Let's Sing avec énergie. Conseillé aux plus de 12 ans. Energy, it's music only. Ça ne va pas, il y a qui ? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Yes, allez, on est avec vous jusqu'à 23h les amis. On va débriefer de la battle de séduction avec Sylvain, le VTC de la peur spécial NMA, puisqu'on aura notre Sarah qui se fera passer pour la révélation francophone de l'année que personne ne connaît encore. Et vous allez voir que Malik l'adore à un point, c'est terrible. Vous allez vraiment vous régaler. La boîte à questions sera de retour. On va parler des petites choses aussi qui nous excitent à ne pas dormir. Vous savez, on est excités. Oh, demain, c'est l'Energy Music Award. On va faire un gros point dessus, d'ailleurs, dans une trentaine de secondes. Le temps de voir qui a remporté cette battle de séduction. Alors, sur Twitter, c'est unanime. Il y a Hugo qui dit concernant la battle, Sylvain a eu un coup de chance, mais le roi de la drague c'est quand même Aymeric. Désolé Sylvain, je préfère que ce soit Rico qui me drague, dit Caro. Amélie dit perso, moi je dis que c'est Aymeric. Elisabeth, pareil. Voilà, ça y va. Rico vainqueur. Je crois que tu l'as dérangé en pleine raclette. Elle est pas très joviale. Désolé Rico, mais pour moi Sylvain a gagné. Elle dit Babouchka. Il est entraîné. Hein. C'est dingue. Du coup, je prends 5 personnes rapidement. On voit qui l'emporte. D'accord. Allez, ils ont tous fait le 0800 70 42. 48. Salut Geoffrey. Ça va mon Geoffrey? Allô? Ça va mon Geoffrey? Tu peux couper la radio mon poulet? Ouais, y'a pas de soucis, attends, faut que je m'élève. Vas-y mon petit poulet, parce que je m'entends en stéréo là. Vas-y, on te reprendra après. Ça va Mehdi? Salut. Salut mon Mehdi, ça va, t'as la forme? Mehdi, qui remporte cette battle? Pour moi. Sylvain. Aïe, aïe, aïe. Bah, 1-0. Vous allez être 5 à défiler. Merci Sylvie, enfoiré. Merci Sylvie. Merci Mehdi, enfoiré. Ciao Mehdi. Enfoiré Mehdi. Enfoiré. Toi et moi, c'était l'histoire d'amour. Merde. Tu veux dire merci Sylvain? Bah, je lui ai dit merci. Ça va, deux fois, trois fois. C'est le poteau. Merci Mehdi, je t'embrasse. Bisous mon Mehdi. Bisous, bisous mon poulet. Il y a Pascal aussi qui a fait le 0870 42 48. 1-0 pour Sylvain, il va y avoir 5 votes. Ça va Pascal? Ouais, salut Aymeric, ça va toi? Ça va mon poulet? Qui l'emporte mon Pascal? Tranquille. Eh ben écoute, Sylvain, j'avoue qu'il a été bon. T'as été bon aussi, mais Franck, on t'oblige, Sylvain! Ouais! 2-0. Gauche-droite. Les gars, elle est dure, elle est dure. Elle est dure. Terminé, Pascal, voilà, j'irai plus jamais en Franche-Comté. Tu peux venir à la bonne saucisse avec la cocoyote. Ah bah, on va se bouffer une saucisse de marteau. Ah, ouais. Ah non, je suis de Montbéliard. Saucisse de Montbéliard. Ah, oui, ah okay, attention, on va se la faire. Bisous, mon Pascal, merci. Merci d'être passé. Embrasse tout le monde. Martine a fait 0870 42 48. Salut toute l'équipe, salut, vous allez bien? Ça va, Martine? Alors, qui? Je vais très bien. Eh ben, tu sais quoi, moi je te donne 3 points. Mais c'est pas juste. C'est une ex à toi, Rigo. C'est pas juste. Ça fait. Non, non, c'est normal. C'est Rigo qui doit gagner. C'est obligé. C'est gentil, Martine. Martine, ça me touche. Ça fait 2-1. Merci, Martine. Bravo, je te fais plein de bisous. Martine. Merci, salut, ma Martine bisous, d'amour. Plein de bisous. Il y a Fernand aussi. Ça va, Fernand? Ça va et vous? Ça va, Fernand? Salut. Fernand, attention. Ça peut être décisif, Fernand. Qui l'emporte, Sylvain ou moi? C'est fini les gars. C'est fini. Alors on va voir ce qu'aurait dit Geoffrey. Vois, c'est ça la décroche. Geoffrey, t'aurais dit quoi toi mon Geoffrey? Rico. Merci mon Geoffrey. Ça aurait été une balle de match. Ça aurait été une balle de match. Fernand, t'es un enfoiré, Fernand. Non, je suis pas l'enfoiré, Fernand. C'est le jeu. C'est bien Fernand. Non, Sylvain était exceptionnel et je lui dis la vérité, franchement, il a été bon. Il a été bon. Il m'a surpris. Il a été le meilleur, tout simplement. Merci Fernand. Merci. Il appuie. Fernand, il a remis le couteau dans la plaie. J'aime. Ça annonce un week-end de dingue pour Sylvain. Il s'est chauffé ce soir. Sylvain, tu as à Cannes. Merci Fernand. Je te fais plein de bisous, mon Fernand. On salue tous d'Angers et de la Flèche. Eh ben écoute, on embrasse tout le monde. Salut mon Fernand. Merci mon Geoffrey d'avoir été là pour moi. Toujours vaillant. Moi, je peux laisser un petit message. Vas-y mon Geoffrey. Alors, c'est pour toute la maison d'arrêt de Belfort, parce que je suis en ce moment incarcéré, d'accord, tous les soirs. Oh, gros bisous à vous. Et on pense évidemment à toutes les personnes aussi qui sont enfermées, qui nous écoutent. Tous les frères en prison. Et voilà, big up à tout le monde, et tout à vous continuer comme ça. Et à Malik surtout au VTC. Malik arrive dans un quart d'heure. Ok mon Geoffrey, tu vas pouvoir kiffer. Je te fais plein de bisous, embrasse tous les copains là-bas, ok? Ciao Geoffrey. Oui Geoffrey, je t'embrasse. Je t'embrasse mon Geoffrey. Ah là là, la prison est avec moi. C'est l'essentiel. Non mais putain, 3-2, merde. Mais il le méritait. Il a été bon aujourd'hui. Il a été très bon. Il était bon. Merci. Mais il y a 2 points sur Twitter, vous le savez. Le type. Et Twitter, fermez l'embarras. C'est le gars chez les ex-URSS ici, tu vois. Le gars, c'est ici, c'est le Poutine Show. Ou c'est le Kim Jong-un Show. Le Trump Show. Calme-toi. L'autre, il veut me faire tous les présidents. Le Chirac Show. L'émission qui part en vrille. Allez, les amis, c'est la tête de Rico. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. C'est vrai les amis, demain on sera à Cannes sur le parvis, ce sera les Energy Music Awards. Et c'est vrai que pour moi c'est une grande première pour beaucoup mais dans l'équipe, sauf JM évidemment qui... Pardon, 7 ans, 4 ans. Qui a l'habitude. 4ème édition. Qui a l'habitude, c'est 4ème édition. Oh, c'est cool, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, franchement, j'espère que vous avez kiffé. Écoute, là c'est la 20ème, la plus importante. On espère que ça va bien se passer. Bien sûr, ouais. Il y aura évidemment, je vous le dis, dans l'émission, on démarrera l'émission demain avec Louane. Dans la foulée, il y aura Dadju. Il y aura Alonso. Il y aura Vita. Il y aura Orelsan. Aya Nakamura. VG Dream. Ouais, il y a du lourd. Ah, il y a du lourd. Et Offenbach. C'est Pekinio, non? Alors, Sarah n'était pas dessus. Ça va être énorme, les amis. Louane, Dadju, Alonso, Vita, Aurel, Sanaya, Nakamura, VG Dream, Offenbach avec nous pour une émission exceptionnelle. On sera là si vous êtes du coin. Venez, venez kiffer avec nous cette émission puisqu'elle est en public sur le parvis là, du palais du festival. Ça va être énorme, les amis. On partira demain et moi, je suis excité. J'arrive pas à endormir. Franchement, tellement je suis excité, j'en peux plus. Ouais, non, mais c'est aussi, vrai. C'est vrai. Oh là là, je suis comme un ouf, Sylvain. Ah bah moi, c'est quand tu reçois la petite convocation pour le commissariat, tu vois. Ah oui, là aussi t'arrives plus à dormir. Ah bah là tu dors pas, hein, tu trembles. Hein. C'est une excitation différente. Ouais, mais, tu sais pas ce que tu vas faire quoi. Ouais, ouais, mais généralement s'ils te convoquent, c'est que bon, si t'es convoqué et que c'est pas toi qui a porté plainte, généralement c'est que c'est sur toi qu'on a porté plainte. Donc généralement c'est pas bon. Ouais, mais t'es réveillé quand tu la reçois. Non, ouais. Oh, la convoque des fois c'est en lettres simples. Ah ouais. Oui, oui, ah elle arrive en lettres simples. Oh un jour t'en auras une, j'ai. J'en ai une. C'est en lettres simples ou des fois t'as l'appel masqué un peu comme le commissaire Latour. Ouais, voilà. C'est tout pareil, hein, croyez-moi, c'est tout pareil. Sarah. Non, moi c'était à l'époque la veille de la rentrée des classes. Ah ouais. Oh, je dormais pas, j'avais ma petite tenue déjà préparée sur le lit, les baskets neufs, tout, je dormais pas. C'est vrai. Ah, je dormais là là, pas. Moi j'avais, c'est vrai, j'avais la tenue faite 3 jours à l'avance, c'était le costume de Power Rangers. Et à côté, j'ai l'impression que je pouvais tout vaincre avec. Je me mettais, j'ai l'impression que j'étais frais. Je marchais plus pareil. J'étais droit comme Aïe. J'étais beau, j'étais frais. Non, mais c'est vrai. C'était d'ailleurs, cette tenue, je la mettais tous les lundis et les jeudis et les vendredis. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Bah ouais, moi j'avais 3 tenues et j'ai tourné. Hein, oh. Qu'est-ce que tu veux faire? T'allais avec le sac Franprix à l'école? Ah non, non, non. Oh non, non. Avec le sac de mon frère de l'année d'avant. Quand c'est comme ça, tu sais, tu comptes les heures qui te restent à dormir. C'est tu te dis, bon, il est 11h et tout, je me lève à 7h, tu fais 8h, ça va, c'est pas mal c'est et tout. Et au final, t'arrives pas à dormir. Et à chaque fois, tu fais le décompte, tu dis, putain, une heure en moins, une heure en moins. Et tu crois que t'as dormi une heure, quoi. Il est 6h, sauf que pas. Sylvain n'a pas changé d'heure depuis. Ouais. T'arrives toujours en retard. Mais sinon, quand c'est des jours, tu comptes en dodo. Ouais, ça passe, voilà, ça passe plus vite en dodo. Vous avez jamais remarqué? Grave. Quand t'es petit, ça, quand t'es petit. Tu comptes plus, rassure-moi. Ah ben, il reste un dodo avant les animaux. Ben oui, on y est. Hein. Moi, je compte en Ken. Oh non. C'est pas pareil, c'est différent. Ah ouais, monsieur. Quel intello. Quel c'est à ton fils. Ah ben, lui, à son fils de 7 ans, il dit ah ben, papa, il lui reste 3 baises. Avec maman. Et c'est les vacances. Plus 2 baises avec maman et une avec la voisine. Ça fera 3. D'accord. Derrière, c'est la colonie, puis tu reviendras. Et... 15 baisses de vacances. Chaque avec la sœur de ta mère. Non, et avec ton oncle. Allez, c'est la teuté. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. Eh oui, les amis, dans ma teuté, il y a l'excitation d'Energy Music Award demain. Et on se rappelle les fois où on est tellement excité qu'on n'arrive plus à dormir, mon Sylvain. Ah, moi, je me rappelle, c'était à la belle époque que j'étais avec mon ex. Ouais. Non, c'est vrai. La première fois que j'ai vu mon beau-père. D'accord. Ah, c'est chaud. Pourquoi? Bah, tu trembles, tu vois. Ah, tu la, veille, la rencontre avec la belle famille. Bah, quand t'as jamais vu ta belle famille. C'est assez chaud. Tu sais jamais comment tu vas te comporter. T'es pas bien. Bah, t'es pas bien. Le daron, tu sais pas comment il est. Tu sais pas comment il va réagir. Il va te mettre une tarte dans la gueule, tu sais pas. En plus, les filles, souvent, elles ont le mec un peu comme le papa, tu vois. Il y a des accroches. Ah oui. Donc, s'il est comme toi, c'est chaud. Non, non, justement. Sa nana, elle a dû lui dire. Bon, pourquoi il était stressé? Elle lui a dit, Sylvain, tu te tais. Tu dis rien. Vraiment. Ah ouais. Tu hoches la tête. Voilà. La mèche, pardon. Vu la mèche que t'as, tu hoches la mèche. Mais c'est quoi ces cheveux? Bah quoi? J'en peux plus. Il faut imaginer, les gars. Il a la plantation qui fait 5 cm au-dessus de la tête, d'accord? Il a une tête de 30 cm de long et les cheveux sur les côtés, sur la plantation qui fait 5 de large, hein, arrivent sur le lobe des oreilles pour tout couvrir. Le reste, c'est un dégradé d'une quinzaine de centimètres. J'ai jamais vu un mec qui a les côtés plus grand que le dessus. Comment tu peux avoir le côté des cheveux qui est plus long que le dessus? On dirait un ficello. Non, il a oublié ses lunettes. Non, mais attends, entre ton oreille et le dessus. Non, mais entre ton oreille et le dessus, il y a peut-être 20 cm. Sur le dessus, en largeur, il y a 10 cm de cheveux. Bah, c'est mon implantation de cheveux, c'est tout. T'es sérieux, ouais, ou quoi? D'accord, ouais, bah, c'est implanté court. Hein, bah, écoute, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça se réduit comme ça. Là. Je vais aller chez Jardiland, je vais mettre un peu d'engrais, on verra. Ah, bah, écoute, vas-y, on va. Pas chez JM. Sylvain, c'est avant d'aller chez le coiffeur qu'il dort pas, tu sais. Ah oui, putain, il va me ramener. Ah ouais, putain. Ah, mais c'est ça, il se fait couper gratuit, les mecs t'en peuvent. Ah oui, exactement. Comme Ficello. Taper Ficello, c'est Sylvain. Ouais, Sylvain en jaune. Hein. Fabrice, ça fait le 0870 42 48. Ça va, Fab? Salut l'équipe, comment va? Ça va, mon Fab? Écoute, impeccable. Quand est-ce que tu dors pas, toi, mon Fab? T'es excité comme ça? Alors moi c'est plus une anecdote, c'était la veille de mon mariage, on était six copains dans mon petit appartement et du coup petite appréhension sur le lendemain et puis nouvelle page qui se tourne, quoi. Bah, tu m'étonnes. Nouvelle page qui s'écrit du moins. Ouais, mais qui se tourne, on sent que t'es déjà divorcé. Fab, t'es divorcé ou pas, Fab? Pardon? T'es divorcé, Fab, maintenant? Non, du tout. Ça. Ah, depuis le mois de juillet, bien marié. Et là, on a signé hier pour l'achat d'une maison. Oh, c'est beau. Bravo. Je le comprends. En fait, tu fais ton deuil. Non, mais Fab, il a hésité. Il n'a pas dormi parce qu'il a hésité. Moi, pareil. Moi, je le comprends. J'ai pas hésité. C'est surtout, voilà. Ouais, t'as la gamberge, c'est un grand moment, tu changes de vie. C'est ça. Ouais, je vois le délire. C'est, imagine, elle dit non aussi, tu sais pas ce qui peut lui passer par la tête. Jamais. Ah ouais? Bah, ça arrive très rarement. C'est que dans les films, quand tu te maries, t'es bien d'accord au début. Ça s'organise sur plusieurs mois et tout. Mais Sarah, elle cogitait la nuit, elle s'est dit, est-ce que c'est le bon Mehdi? Mais non, mais on se pose des questions, on se dit, ça y est, t'es bloqué à partir de demain, à vie, c'est ça. Donc, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que vraiment t'as fait le bon choix? Et je pense de son côté aussi, on s'en est parlé. On était d'accord pour ça, on doute en fait, jusqu'à la dernière minute. Ouais. Et aujourd'hui, tu regrettes? Mais pas du tout, je l'aime plus que tout. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau, hein, Fabrice. Qui est marié dans l'équipe? Ah bah, il y a Sarah qui est mariée. Mais non, moi, Mario Bled, pas civilement. Ouais, Mario Bled, il est pas fou, l'autre. Il a trois biens, il veut pas les filer. Je t'explique, l'autre, il a trois cabanes de jardin, il veut rien lui donner. C'est un rat total. Son cum, c'est un rat total. JM, il est en couple. Ouais. Sylvain, il est. Je suis solo. Ouais, c'est un wifi. Hein, il a plusieurs prises, il est polygame. Et moi, ça va bien. Je suis dans ma bulle, je suis tranquille. Wow. C'est sympa. Wow. T'as pas personne à me présenter? Non. Malheureusement. Personne voudrait de lui. Hein. Ah, non, je te jure. Vous êtes sympa. Ah, quelle belle équipe. Même mon chef, vous voudrait pas de toi. Arrêtez, tu m'as supplié pour épouser ta sœur. Ta sœur qui partait à la dérive. Pour la dot. Mais quand j'ai vu qu'elle s'est enfilée une bouteille de vodka par jour. Je rigole. Ta sœur, je l'adore. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais que je l'adore, ta sœur. Quand elle est sobre. Paye, tu verras, elle va t'adorer au bout. Ah ouais, tu vois. Et tu vois, il est pas fâché, Fabrice. Hein. Il se dit, on sait jamais si je change d'avis. Il est terrible. Hein. Lui, il croit que c'est une dot comme au bled. C'est le seul franc-comtois, mon frère. Il se marie comme au bled. Il est là, il y a deux cocoyotes à Mont d'Or. Il attend la dot. Et il fait des you-you. Ah ouais. C'est le seul gars autour d'une fondue, il fait des you-you. Ah, je te jure. Vous êtes des malades. Ah ouais, le gars. Ah ouais. N'importe quoi. Le gars, il dit, t'as vu l'enclos? Quand t'épouseras ma frangine, tu m'amèneras 70 porcs. Tu vas arriver en proche contact des chameaux, tu sais. Oh putain. C'était l'amour est dans le pré ou quoi? Toi, c'est l'amour est dans l'os. Ça fait peur, l'amitié, ça se voit. Ah ouais, bah là, je peux dire, là, il en est rien, Fabrice. Vraiment. Merci, mon Fab, d'être passé. Et puis, un gros bisou à ta femme. Ouais, j'y manque pas. Une petite chose, j'étais avec vous tous les 8 heures quand vous avez fait votre soirée. Pour Halloween. Pour Halloween. J'étais en train de rouler, je suis routier. D'accord. J'étais en train de rouler. Franchement, j'étais dégoûté quand t'as annoncé la fin du truc. Tu sais quoi? J'étais tellement vert, du coup, j'ai failli m'endormir au volant. Oh putain! Non, c'est à cause de... Eh, tu vois, Fabrice, bah oui, mon Fabrice, parce qu'en fait, à 4h du mat, on a arrêté. Je voulais pousser jusqu'à 6h du matin sur cette émission spéciale. Mais moi, j'étais trop motivé. Moi aussi, mais bon. Il me restait une demi-heure de route. J'ai dit, c'est bon, je vais faire la fin. Tiens, que dalle. Et finalement, Fabrice, tu veux que je te fasse rêver? Sarah, elle était à moitié pour. Oui, d'accord, pour continuer cette émission. Ouais. Sylvain m'a dit, ouais, moi, je veux pas et tout. C'est à cause de lui qu'on a arrêté. Et tu sais où est-ce que je l'ai retrouvé, Fabrice? À 7h30 du matin, il était encore en boîte de nuit. Non! Sur la tête de ma mère. Donc moi j'ai dit, les gars, pour ceux qui nous rejoignent et qui comprennent pas trop le délire, on a fait 8 heures d'émission spéciale qui s'arrêtait de 20h à 4h du matin pour Halloween. Moi je savais qu'il y avait des gars qui bossaient comme mon Fab, des copains du Rico Show, et je voulais kiffer pour vous faire kiffer. Et Sarah elle hésitait, Sylvain a dit non total, et le mec a dit ouais je dois aller me coucher. Le mec à 7h30 il était encore en boîte à Bastille. T'es sérieux, tu nous as fait croire que tu bossais ton coaching. Je te jure Fabrice, alors qu'il a dit je vais à un coaching, je bosse et tout, il est parti au coaching à 10h sans dormir. Moi aussi, franchement je dis punition à ce niveau. Ah bah là, punition, tu sais quoi? Vous votez, je prends la décroche. Est-ce que Sylvain va au Energy Music Award? Je peux le laisser pour ça, on en parle juste après MHD. Je suis colère. Ou alors gros défi, le prochain défi, il doit draguer deux personnes en même temps. Ah, ça c'est pas mal. Deux en même temps, ouais. Alors attends, il va appeler sa mère et sa soeur, ça va le faire. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance now, I can't move on. Oh, my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy, you making me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we Maya, they go, baby girl, so. Go make you drop all my money. Aye, aye, aye, aye. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe, mon cœur va chiller pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Allez les amis, on est là avec vous jusqu'à 23h. Cédric Cochieux sur Énergie, on est dans la teuté. Tous les jours, Aymeric Bonnery est sur Énergie. Le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Allez les amis, on parle des fois justement où eh bien on est excité, on n'arrive pas à dormir. Et Malik est déjà dans son VTC. Dans 5 minutes il récupère son client. Il va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. On va se régaler et il y aura le retour de la boîte à questions. Vous l'aimez, elle s'adresse aux filles et aux garçons. Vous viendrez interagir en direct. C'est énorme, vous kiffez ce délire. Alors que Sarah déménage, hein, je vous le dis. En plein déménagement, elle bricole. Elle envoie un recommandé à Mehdi sur le mariage. Ce week-end, elle c'est veut vraiment se faire plaisir, hein. Et je vois que le tombeur commence à lui toucher les cheveux comme d'habitude. Lorsque ça délocalise. Ce que Sylvain en fait kiffe quand ça délocalise, je vous le dis, hein, vous qui nous écoutez, il kiffe, il voit s'il y a de la meuf. Et quand il n'y a pas de meuf, il s'amuse à se rapprocher de Sarah. Mais me fais pas ça, je te jure, je te rentre dedans. Ah ouais, me fais pas c'est ce qu'il veut. Mais me touche il pas arrive d'un coup, il se met à lui toucher les mains. Fou, lui. Oh, pour une bombe, arrête. Non, mais attends, mais il me dit, t'as des beaux cheveux et tout, dégage. Sylvain, c'est toujours les chemeaux qui font le plus de manière. Je te le jure. Mais t'es sérieux, toi. C'est un truc de ouf, c'est vrai. Hein. Sarah, toi, t'es belle. Merci. Non, mais en tout cas, c'est vrai, c'est dégueulasse. Tu as pas lui toucher les cheveux et tout. Attends, rien touché, t'inquiète pas. Ça, c'est carton. Non, non, mais la dernière fois, j'ai vu, t'as commencé à lui faire des tresses, là. Il m'a fait des nattes. Il m'a fait des nattes. Il était 5h du mat. Il a fait des nattes collées, ouais. C'était vraiment. Ah oui, c'est vraiment le truc que tu ramasses, là. Ah ouais, ah que ce soit pour les filles ou les mecs, tu as un truc à 5h. Vous inquiétez pas. N'est-ce pas, Sarah, t'as déjà ramassé un truc à 5h? Mais t'es malade. Ouais. En Croatie, je te jure. Non, un cerf. Oh là, mon Dieu, le mec. Je croyais qu'il était beau gosse, les lumières, elles se sont allumées. C'est pas vrai. Oh my god. Frankenstein. Oh là là. Ah, et lui, il était toujours motivé. Hein, ah, il était déter, là. Ah, il était à fond. Normal. Il était à fond. Tiens, on va prendre justement mon Alexandro de Strasbourg qui a fait le 0870 40 48. Quand est-ce que t'arrives pas à pioncer, mon Alexandro? Ça va? Salut Aymeric, salut l'équipe. Salut. Ça va, t'es en forme? Ouais, bah j'ai pas trop le moral, mais je voulais. Aymeric, moi je te suis depuis Secret Story et je t'adore. D'accord. En fait. D'accord, bah, c'est gentil. On aurait dû faire ensemble, hein. Eh ben bah, franchement, frérot, on aurait dû s'y filer ensemble. Hein. Je peux te dire, ouais. On aurait tout cassé. Aymeric, du coup, je suis tombé dans Tellement Vrai, tu vois, je suis tombé bien bas. Hein. Ah non, mais Tellement Vrai, tu sais, j'ai un copain autour de la table qui est à deux doigts de faire Confession ah intime. Ouais, VIP. Ah, VIP, ouais, VIP. Pas pareil. C'est ce qu'ils lui ont fait croire, c'était le nom de code. C'était VIB, Very Bouffon. Moi, j'étais à Tellement Vrai sur Je viens en enfer, mets-toi à ma place, en fait. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que t'arrives à dormir depuis que t'as fait ça, Alexandre? Non, franchement, moi j'arrive pas à dormir parce que je me suis fait gourder par ma meuf, en fait. C'est pas vrai. Oh là là. Ouais, je te jure. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Elle m'a dit, Alexandre, t'as déjà sauté en parachute? J'ai dit non, elle m'a fait, bah vas-y, saute parce que je te lâche. Oh non. Oh la blague. Non, elle est cruelle, attends. C'est pas vrai, mais c'est pas elle vrai. Elle a été cruelle. Elle a été cruelle et j'arrête pas de dormir. Hein. J'arrive pas à dormir parce que j'imagine avec un autre, en fait. Ah ouais. Moi j'étais super amoureux d'elle. Ouais. Oh. Putain. Et style, elle a fait une arnaque, tu vois. Elle m'a dit, ouais, vas-y, tiens, dans la boîte, tiens, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Et moi, j'ai laissé la boîte fermée. Quand je l'ai ouverte, il y avait de l'amitié, en fait, tu vois. Donc, ah ouais, d'accord. Putain, mais c'est. C'est fort en vanne, hein. Putain, on a perdu ce mec. J'ai l'impression qu'on est sur un amour trivial poursuivi. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a Arthur. Ouais, les gars, on va se faire un trivial poursuivre. C'est manqué. Le chacal. Ah, c'est une histoire de boîte, ton histoire là. Ça s'emboîte mal. C'est un truc. Ouais, il manquait juste Arthur là, je te jure. Je te jure, on était. Eh, Alessandro, tu vas t'en remettre, je sens que t'es en bonne voie. Ouais, franchement bah, j'aimerais bien pécho des meufs là, Strasbourg. S'il y en a qui m'écoutent, je peux leur filer un petit rencard, tu m'autorises, Aymeric? Bah, vas-y, Alessandro, vas-y. À mon avis, il y aura grand monde. Alors demain, je serai à 15h devant la boutique de l'équipe de foot du Racing près des Halles. D'accord. C'est une boutique du RCS et je serai devant. Donc s'il y a des plein de meufs qui veulent discuter avec moi de Tellement Vrai, d'Énergie Douce, de Matt Pokora. Nous on viendra. Voilà, Alessandro, t'as tes lunaires et tu vas être habillé comment qu'on te reconnaisse bien, quoi. Oui. En mode pourquoi? Ah, moi j'ai la casquette en arrière. Ah ouais, un gangsta. Bah, ouais. Un non, le joueur, le pokerman, le poker face. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Poker ah ouais. Face. Yeah. On va faire une grande chaîne avec marqué Aymeric Ricochot à Strasbourg. Ah génial. Non, ça ferait plaisir, ça, Alessandro, tu sais quoi. Mais te donne pas ce mal. Allez, je lance le défi en direct sur Énergie ce soir. à 15h demain, il faut qu'il y ait au moins 500 personnes. On va faire un R, un I, un C, un O avec une chaîne humaine. Et du haut, on fait iPhone, photo, on balance tout sur Facebook, on fait buzz demain. Ok, Alessandro, moi je suis chaud, mais par contre, je veux pas de main courante. Hein. je veux pas de problème avec la police, frérot. Ne fais pas des trucs de ouf, frérot. Voilà. Il est flou, mais dans son délire. Il m'a dit, moi je suis pas bien. D'accord, je dors plus, je me fais larguer. Tu veux me foutre la merde. Alessandro, j'apprécie ton geste, mais voilà, ok, fais-toi kiffer, frérot. Mais s'il te plaît, quand la police ils vont venir, moi je suis au courant de rien. D'accord, Alessandro, je te kiffe, t'es un amour. Franchement, il est super gentil, Alessandro. C'est un bonheur, il vient, il est là, il rigole. Alessandro, change pas, garde ta fraîcheur de vie. Je vais te faire un petit cadeau, comme ça on aura tes coordonnées. En plus, voilà, je te kiffe. T'es super marrant, tu te prends pas la tête. Je te fais plein de bisous, moi, Alessandro. Et doucement demain devant la boutique du Racing, s'il te plaît. Ouais, merci toute l'équipe. Bisous, moi, Alessandro, je t'aime fort. Bisous. Ciao. Quel kiff. Il est marrant. J'adore. Trop gentil, moi, Alessandro. Franchement, c'est un kiff. Moi, tu sais, quand je dors pas, c'est quand il y a des trucs en rapport avec le permis, la voiture, le code et tout. Franchement, direct, je stresse. Je me dis, putain, le code et tout, c'est super important. Galère, ça coûte cher. Moi, ça m'est arrivé que quand je passais le permis, je dis, comment je vais pécho la monitrice. Tu vois, c'était mon chacun ses problèmes. Allez, Malik est dans son VTC, on va le récupérer dans une seconde. Le temps de prendre Lucie. Ça va, Lucie? Ça va, ma chérie. Lucie, elle habite Antibes. Elle a fait le 0870 42 48. Qu'est-ce qui va pas, ma Lucie? Quand est-ce que tu n'arrives pas à dormir? Là, en ce moment, avec les NMA, j'ai aucune entrée pour aller voir les stars. Et ça fait longtemps que je suis l'émission des NMA. Mm-hmm. Et là, je dors plus, quoi. Je joue à tous les jeux, je gagne aucune place. Je saoule mon mari avec ça tous les soirs. Hier, j'ai appelé Ricochot j'ai veillé jusqu'à 23h, 23h30 et personne ne m'a appelé. Lucie, je vais te donner ta chance. C'est vrai? Je vais te donner ta chance. Oh. Il va falloir te le peler. Tu vas appeler un hôtel. Il va falloir que le standardiste te dise Energy Music Award. Tu démerdes, tu fais une réservation, il faut pas qu'il raccroche. D'accord? Peu importe. Okay. Je veux pas, tu te prends pas la tête, je veux pas que tu dises TF1, je veux pas, voilà. Mais tu dis ni Energy, ni Music, ni Award, ni TF1, et il faut que la personne puisse te dire justement Energy Music Award. Ok, Lucie, t'acceptes le défi, je te donne ta chance. Je suis comme ça. Vas-y, c'est bon pour toi? C'est parti? Ouais. J'appelle Biarritz. Okay. Derrière, c'est le VTC dans la foulée, les amis. Il y aura la boîte à questions aussi. Bonne chance. Allez, bonne chance, Manu. Hôtel 800 Anglais, Clémentine, bonsoir. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je sais qu'il y a un événement demain et samedi. Oui. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Et apparemment, il y a des personnes qui ont réservé des chambres chez vous et viennent pour un événement et c'est un gros, gros événement. Je ne me souviens plus de l'événement en fait. C'est l'événement ou c'est un spectacle? C'est un spectacle, c'est un show en fait. J'arrive pas à me souvenir. Ma chérie, c'est à Biarritz là, donc ce sera à la télévision, hein, tu pourras le voir. Ah d'accord, ok. Ça se passe sur Cannes, c'est un événement qui se passe sur Cannes et du coup j'arrive pas à retrouver cet événement. Avec plein de stars, vous savez, ça passe à la télé. Oui d'accord, mais là vous êtes à l'hôtel Ibis à Anglette, près de... Oui. D'accord, donc je vais pas pouvoir vous renseigner. Demande-lui si ça sera à la télévision, si on aura le show. Est-ce que ça va passer à la télévision? Cette émission-là? Vous avez la télé dans votre hôtel? Pas du tout. Ça passe sur la chaîne numéro 1, il me semble. Non, pas du tout. Non, vous vous trompez d'endroit. Je suis désolée. Non, mais dans la chambre, il y a une télé. Oui, il y a une télé. Vous avez des télés dans la chambre, ok. Oui, on a aussi des gens qui vont faire un spectacle, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et ça ne va pas passer. Ça passe samedi soir en direct et c'est à Cannes. Mais il faut le nom de l'émission. Non, je ne peux pas vous le donner. Je ne le connais pas. Bah si. Mais vous ne savez pas, ça passe samedi soir à 20h50. C'est sur la chaîne numéro 1. Oui, elle est dans ce projet. Pardon? Elle est dans ce projet? Non, c'est sur la 1. Ça va être plein de stars. On leur remet des trophées. On leur remet des récompenses. C'est un jeu? C'est comme un jeu, oui. Il faut le nom de l'émission. Et ça passe à Cannes? Un instant, s'il vous plaît. D'accord, merci, c'est super gentil. Ça passe samedi soir, c'est sur la chaîne numéro 1. Danse avec les stars. Non, c'est samedi. C'est samedi soir. Je ne saurais pas vous dire, je travaille tous les samedis soirs, alors je ne sais pas, je connais pas, je ne sais, je suis désolée. Ça passe à la radio aussi, c'est comme le nom de la radio. C'est un gros festival, ça passe, c'est sur Cannes. Il y a plein de stars qui vont sur le tapis rouge. Et... Energy Music Award. Oh ouais, voilà, grâce à l'hôtel Ibis d'Anglette, tu gagnes tes places pour les Energy Music Awards. Madame du côté d'Anglette, vous êtes en direct dans le Rico Show sur Énergie. Je m'appelle Aymeric Bonnery. On fait l'émission de 20h à 23h et grâce à vous, Lucie remporte ses places pour la plus grande cérémonie d'Europe. Génial. C'est énorme. Merci à Lucie, tu peux dire merci à la dame. Ah ouais. Ah merci madame, merci. Avec plaisir. Ah j'ai cru que vous alliez pas y arriver, on vous embrasse, plein de bisous. Bisous. Bisous, bravo ma Lucie, je te file tes places. Je te dis à demain et à samedi du coup, d'accord? Oui, ça marche, merci. Viens me faire un bisou, je vois que t'habites en Tif, viens me faire un bisou demain. Bisous ma Lucie. Pas de soucis, ça marche. T'embrasse, ciao. Oh le bonheur, c'est chaud, j'ai cru qu'elle allait pas y arriver. Jamais. Et en plus c'est vrai, d'habitude elle danse avec les stars le samedi. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu dur d'avoir le rendez-vous, mais c'est bien les Energy Music Awards samedi, c'est énorme les amis. Le VTC de Malik, Malik est déjà avec son client, on écoute. Moi ça fait longtemps que je travaille avec elle, cette fille, je vous dis depuis tout à l'heure. C'est une rosta, hein. Ça va être une rosta de ouf. Enfin, j'ai tout misé sur elle. Vous allez voir, Malik est le chauffeur privé de la nouvelle révélation francophone de l'année, Sarah, qui va monter dans le VTC. Il va allumer la radio et on va annoncer qu'il est recherché. Ce VTC est énorme et derrière, ce sera la boîte à questions, les amis. La Brent. Allez les amis, on va se faire le VTC. Je suis content pour Lucie, puisque hier je devais faire gagner deux fois deux places. Ouais. Et pour tout vous dire, elle n'avait pas eu le temps de passer. Ouais, voilà, donc elle l'a rattrapé. Il y a toujours des places à gagner d'ici demain. Ne vous inquiétez pas, il m'en reste. Suivez bien l'émission, hashtag RicoShow sur énergie, 0870 42 48. L'appel est gratuit, mais là, c'est le VTC. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Oui, les amis, c'est maintenant Malik et chauffeur VTC d'une star de la chanson, enfin soi-disant la révélation francophone de l'année, hommage au NMA où on sera demain en direct de Cannes. Et vous allez voir qu'il voue un culte à cette nana, hein, qui est Sarah en fait. Ah, c'est Sarah ? Ouais, c'est une blague. Ah ouais, là vous sentez le déchauffage total. Oui, vous allez voir, et elle montera dans le VTC. Puis derrière, on se fera la boîte à questions. Ouais. Vous adorez cette boîte à questions. On se pose des questions complètement folles. Et la première question, hein, elle vous concerne, vous mesdames. On cherche à comprendre, est-ce que lorsqu'on vous séduit et qu'on couche le premier soir avec vous, on a réussi notre coup en mode genre grand séducteur, ou c'était votre intention dès le début de coucher avec nous aussi le premier soir? Tu sais, les nanas, t'as toujours l'impression que c'est la première fois qu'elles couchent le premier soir avec toi, quand tu couches avec une nana. Est-ce que dès le début, vous aussi vous disiez, tiens, j'aime le faire, et vous nous laissez croire qu'on est des grands séducteurs, qu'on arrive à vous draguer, à vous embarquer en soirée, et puis à faire l'amour, et finalement qu'on a réussi notre coup un peu comme à Casanova? Ou est-ce que vous n'êtes pas dupes et depuis le début, vous aussi vous avez décidé de croquer l'homme que nous sommes? Bah, c'est prémédité. On va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Vraiment, Sylvain. On a des choses à dire. On a des choses à dire. Il y a plein de questions comme ça, un petit peu sulfureuses. Il y aura des questions aussi pour vous, messieurs. C'est la boîte à questions. Allez, on se connecte dans le VTC de Malik, qui accueille un client avant d'annoncer qu'il est recherché. C'est parti. Pas du tout, c'est qui, hein? Tu vois pas du tout, c'est qui? Non. Elle s'appelle Sarah. Bon, après, elle est pas très connue mondialement. Hein. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Elle est pas autant méchante qu'elle a de la magie, cette fille. Parce qu'elle a la niaque, elle a l'envie. En plus, elle est jolie, tu vois. Là, attends, je vais te la montrer parce que je te parle d'elle. Je vais même pas montrer. Regarde sa gueule. Elle a une belle gueule, tu vois. C'est une belle gosse, quoi. Tu vois, elle peut faire l'affaire. Tiens, regarde sa gueule. Regarde. Ah ouais, bon, j'avoue, mignonne. Elle est mignonne, hein? On dirait un pain de mie, t'as envie de croquer dedans et de jeter là, je te jure. Elle est mignonne. Après, elle a. Je sais pas, putain. Après, là, ça fait une heure que je l'ai pas vue. C'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Parce qu'elle a un teint, elle a un charisme, elle a quelque chose, tu vois. Non, pas trop. Hein? Non, mais alors, si, tu vois sur la photo, tu vois, un minimum. Tu fais trois courses et après, tu vas la voir. Bah, tout le temps. Mais j'essaye de faire les deux, j'alterne, tu vois, parce que j'essaye de la voir souvent, parce que, franchement, elle me manque trop. Non, je peux pas, elle me manque trop. Là. Tiens, mets son son. Qu'est-ce que tu fais? Elle me manque trop. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Arrête. Tu veux pas la sentir, la culotte? Sans sa culotte, sans sa culotte. Oh non. Sans sa culotte. S'il vous plaît, bien respectueux. Oh, ah, c'est une fausse culotte. Ah, la tête de. Je sens le succès. Quand je la sens, je sens le succès. Je sens. Ça sent plus le succès que la merde. Bizarrement. Oh, ça sent. Oh, ouais, ça sent. Tu veux pas sentir? Tu veux pas sentir? Ouais, frérot, s'il te plaît, bien. J'ai pas envie on s'embrouille ou quelque chose, s'il te plaît. Non, mais on va pas s'embrouiller, quoi. On va pas s'embrouiller, je veux que tu sentes. Vas-y, je vais la poser, y'a pas de soucis. Mais c'est quand elle me manque trop, j'ai besoin de. C'est un peu d'oxygène, tu vois. Tiens, mets ça zic. Un peu de Sarah. Tu vois et attends, je te fais écouter la musique, j'ai même pas fait écouter. Allume la radio dans 5, 4, 3, 2, 1. Je ne veux pas que tu t'en ailles, hein. C'est vrai que j'aime bien faire la malade, mais t'es la femme de ma vie. Coupe. Elle a chanté 3 secondes, frère. Oh là là. Ah, c'est dur. On écoute la réaction du client devant la zic. T'en penses quoi, vraiment? Dis-moi la vérité. Ouais, parce que moi, je suis manager, j'ai besoin de savoir. Ça se voit, les gens qui sont là, ils dansent. Yeah, ils aiment bien ça. Ça se voit, tu mets ça sur. Oh, elles sont enchantées. Je sais pas, tu mets ça sur des voix. Ah, on dirait que le marchand de sommeil est passé, quoi. Ah, ouais. La berceuse, quoi. Mais ça peut marcher, de toute façon. Ouais, ça peut marcher. J'ai pas bien entendu, mais... Mais elle a une belle voix, elle a un beau timbre, elle a quelque chose, quand même. Tu sens que c'est une star dans l'âme. Tu la vends bien. Par exemple, la culotte, là. Ouais. La culotte, tu gardes, imagine, elle perce. Ouais. Si l'artiste, elle perce, tu la vends sur eBay. J'ai déjà vu des gens, ils vendent des culottes, des artistes. Ouais. Des 20 000 euros, tout ça. Ah, bah, elle... Elle, il faut qu'on te paye pour la réclamer. Ouais, je te jure. Arrête de la sentir comme ça, c'est pas. Je suis pas respectueux. Ouais, mais ça fait plusieurs fois. Hein. T'es pas le premier client à me dire ça. Hein. T'es pas le premier client à me dire de le recruter. Bah non, mais je représente mon artiste, c'est normal. Je suis un manager. J'ai besoin d'avoir un contact, tu vois, avec les gens. Sarah. Ouais. Ah, apparemment, ta chanson plaît. Hein. Ouais. Ah, trop bien. Il kiffe. Non, il kiffe pas. Sarah, je te mets en relation avec Malik. Genre, tu l'appelles, d'accord. Vas-y. Et tu lui expliques qu'il doit venir te chercher puisque Sarah va monter dans le VTC. Eh oui, caprice de star oblige. Malik, Sarah t'appelle. 5, 4, 3, 2, 1, vous êtes en ligne. Ah, attends, on m'appelle. Allô, Malik, c'est Misso, excuse-moi, Sarah. Malik, Diobolos, vous êtes où? Écoutez-moi, j'ai rendez-vous dans 5 minutes au studio, espèce de sombre merde, d'accord? Donc vous allez manier votre putain de cul et venir me déposer au studio tout de suite, j'ai mon nouveau single enregistré et que ça saute. 5 minutes. Bah, désolé, madame Sarah, tout de suite. Je raccroche, 5 minutes. Putain, désolé, monsieur, désolé. Waouh, c'est elle qui chantait tout à l'heure. Ouais, c'est elle qui chantait. Elle a un truc de merde comme ça. Ouais, ben elle me parle mal, je sais pas pourquoi, mais pourtant je m'occupe bien d'elle. Hein. Allez, Sarah va monter, le VTC va prendre une autre tournure. Ouais. On va allumer la radio et annoncer Malik recherché. Kenji, Thiago. Et puis derrière, ça va être énorme. VTC Express, ce soir, sur Énergie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui, les amis, Malik est absolument fan de Sarah. Sarah est une chanteuse à en devenir. Elle est d'ailleurs la révélation francophone de l'année, c'est-à-dire soi-disant déjà même bien star. Hein. En fait, il n'en est rien, vous l'avez vu et vous connaissez son parcours, oui. qui est pas mal. Oui. Chaotique. Qui est pas mal, non. Oh. Joli parcours. Non, mais c'est vrai, ouais, sinon on avait fait la moitié de ça déjà. On serait content dans toute autre discipline, n'est-ce pas Sylvain? Ça va, tout va bien pour moi. Tout va bien? T'inquiète pas pour moi. Oh là là, lui il fait patate, hein. Les filles à Cannes, planquez-vous. Vraiment planquez-vous. 0870 42 48, il y aura la boîte à questions, venez la préparer avec nous, l'appel est gratuit. Allez, on se connecte avec Malik, je crois que Sarah va monter dans le VTC là dans une seconde, puisqu'il lui a demandé de monter, on se connecte. Vu que c'est une future star, elle a besoin de s'exprimer comme ça, c'est normal, je comprends tout à fait. Oh, elle parle trop mal, c'est pas bien comment elle vous parle. Comment ça, c'est pas bien comment elle me parle? Bah, je sais pas, c'est la logique des choses. C'est si tu t'occupes d'elle, déjà, en plus, tu me dis que tu gagnes pas d'argent. Bah ouais, mais c'est pour le plaisir, parce que je sens que c'est une star. Ouais, c'est une star, mais elle a pas encore, tu m'as dit, elle a pas encore percé, juste elle fait les choses comme ça pour ça. Putain, bah, elle est là. Je vais l'ouvrir. Enfin. Désolé. Vous pouvez sortir et m'ouvrir la porte, par contre. Désolé. Alors, vous sortez et vous m'ouvrez la porte, merci. Qui, moi? Oui, vous, oui. Désolé, j'arrive tout de suite. Allez, hop. Putain, là, tu vous avez vu. Désolé. Merci, monsieur, hein. Non, non, bah, c'est mon cri, c'est... C'est mon nouvel assistant, c'est bien ça. Non. Non, c'est non, non, c'est mon client. Allez, hop, on ouvre la porte. Bah, oui, je vous ouvre la porte, madame. on y va. Allez, merci. Ouh, j'ai un trou de canard. Bonsoir, monsieur. Je peux pas me la voir. Plus vite, Malik, hein. D'accord, il n'y a pas de souci, madame. On passe à la deuxième. Nicolas. Vous avez dit quoi? Hein? Vous avez toussé? Oui, j'ai toussé. Fermez-la, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas... D'accord, madame. Donc, désolé, monsieur, je sais, c'est elle dont je vous parlais tout à l'heure. Non, mais... Oui? Il m'a déjà parlé de vous. Ah, vous connaissez? Oui, il m'a dit que vous étiez une artiste. Ah, merci. Ouais, une star, hein, une star. Une vraie star. Moi, je ne vous connaissais pas, déjà. Bah, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Moi, de base... Regardez, vous m'avez reconnu, c'est pas possible. Eh, on rêve tout de suite, c'est moi. J'ai eu une belle voix. Hein, hein. Oui, oui, elle a une belle voix. Il parle pas. Ouais, une belle voix. Je trouve qu'elle bon, allez-y, plus vite. Il n'y a pas de souci, madame. Plus vite, on y va. Pas de souci, madame Sarah. Il lui demande un selfie, le client, si elle veut lui faire plaisir. Mais moi, vous me déposez en premier, moi. Hein? Moi, vous me déposez en premier. Bah non, je vais déposer madame Sarah au studio. Oui, vous dois répéter ma chanson, là. S'il vous plaît. Vas-y, chante ça. Je suis gentil, je vous dis. Mais non. Oh yeah yeah yeah. Hein, ça allait être de joie. Je m'étais pas madame. Il y a quelque chose. Je vais peut-être vous prendre dans mon prochain clip. Vous chantez un petit peu dans la vie, monsieur? Non, je chante pas du tout, mais j'ai pas envie d'être dans votre... Mais si, je vous verrai bien. On va vous faire passer quelques tests. Malik, oui. Allez nous chercher un petit jus de Goya. Il n'y a pas de soucis. D'accord, ok. Faut qu'on parle business. Non, je vais vous déposer, mais d'abord, je vais déposer. Faut que j'aille chercher un jus de goyave à madame. Allez-y. Stop, c'est parti. En une minute, Malik, en une minute. Ah, parfait. Bon, bah, nickel. Alors, du coup, vous chantez, c'est ça? Il est parti me chercher un jus. Quand on est une star, bah, vous aussi, vous allez en devenir une. Vous allez voir, tout est facile. voilà. Comme ça, on va devenir la future star. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sérieux là? Chantez-moi un petit refrain là comme ça. Allez, faites-moi une petite note. Ok, une petite note. Mais si! Deux secondes. Il est vraiment parti acheter un jus. Mais qu'est-ce qu'il y a de choquant, monsieur, dans ça? Mais je vais me plaindre alors. Je vais me plaindre. Mais non, mais il est parti me chercher un jus pour vous aussi, monsieur. Mais c'est pas grave. Vous êtes une star, vous n'êtes pas un client. Arrêtez de vous dénigrer. D'accord? Moi aussi, avant, j'étais une cliente. Maintenant, je suis moi. Sarah, vous êtes une star. Vous êtes une star, alors on y va, ça fait. Do-ré-mi. Allez les amis, ça y est, on va braquer, on va faire le flash info annonçant que Sarah et Malik sont recherchés. Comment va réagir ce client plutôt calme pour l'instant, sans que ça va dégoupiller. Puis derrière la boîte à questions, on se posera cette question. Est-ce que vous les nanas, lorsqu'on vous séduit, qu'on couche le premier soir avec vous, on a réussi notre coup en mode grand séducteur, hein, genre vous l'avez jamais fait, ou dès le début vous êtes dit de toute façon celui-là je vais me le faire, hein? Est-ce que on a des talents de séduction, ou pour vous c'était assez clair dès le début qu'il allait se passer ça, quoi, hein? Vous nous laissez croire ça pour notre estime, pour notre ego. Ouais. Hein, et puis vous les mecs, est-ce que pour arriver à vos fins vous êtes capable de faire croire que vous êtes ouvert à une relation sérieuse alors que c'est faux? On se posera la question. 0870 42 48, l'appel est gratuit et ce sera le retour du faux voyant. Mais là, on se fait la fin du VTC dans 3 minutes. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Koé à 17h30. Céline ? Oui ? Où sommes-nous en France ? Je suis en Ariège, en Carlabaille. Trouve la bonne enveloppe et tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros. Je vais choisir Bordas. Ouverture de l'enveloppe, tu gagnes 10 000 euros. Ah ! Céline, 10 000 euros, c'est ce qu'on t'a ! Merci. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Koé au 7-10-12. À vos micros, prêts ?

Et puis vous êtes comme des oufs, hein, sur le VTC, hashtag Ricocho sur énergie. Babouchka dit sacré VTC. Hein. La pauvre Sarah n'a pas beaucoup de succès. Encore un client qui ne se doute pas qu'il va repartir avec une télé LED et un flash info dans le nez. C'est vrai, puisque là on a un client qui est avec Malik. Malik qui lui a dit voilà, moi je suis manager de la révélation francophone de l'année, hommage au NMA où on sera demain à Cannes. Ouais. Et évidemment, eh ben, je l'adore, je l'aime, elle a du talent. Le client n'est pas convaincu, Sarah est actuellement dans la voiture, elle a rejoint Malik, on se connecte. Oula, ah oui, Malik n'est pas dans le... Je suis con, c'est bref, Sarah. C'est, j'ai envie d'aller à ma destination, déjà lui, je sais pas, il est parti où, il va m'énerver, j'ai pas envie de descendre au P3, touche-moi pas. Mais je vous touche pas, mais comment ça, c'est de la merde. Oula, déjà, parti récolter les goyards. C'est de la merde, j'ai pas envie d'écouter cette musique, ouais. Laissez-moi tranquille. D'accord, donc je vous donne votre chance et c'est de la merde en fait. Ce que mais quelle chance. Mais même toi, déjà, il faut que tu trouves ta chance. Ah. Que moi, je trouve ma chance, t'as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je dis, je trouve ta chance, t'inquiète pas. Mais ma chance, elle est là, demain, je suis nominé au Energy Music Awards, t'inquiète pas pour moi. Au Energy quoi? Au Energy Music Awards, ouais. C'est tellement faux. Vous voulez être bouche bée? Attendez, je vais attendez. Non, mais pas besoin de vérifier sur Internet. Eh, hey, ben quoi? Ben, je suis pas sur Internet. Malik, vous dites à votre assistant de parler autrement. Mon client. Déjà toi, vous dites. Eh, hey, s'il te plaît, t'es parti, je sais pas où. C'est quoi ça? Écoutez, je vais vous ramener. C'est lui, c'est la bouclée sur le champ. Mais c'est mon client, c'est pas mon assistant, madame Sarah. Bon, écoutez, laissez-moi là, je vais vous dire tous les deux. Vous et vous. Laissez-moi là, arrêtez-vous. Habite pour. Vous êtes virés. Sarah, elle a pas senti le mec. Hein. Regarde. Sarah, pourquoi tu t'es barrée? T'as pas senti le mec? Non, il aime pas ce que je fais. Pourquoi t'as pas fait le flash info en disant que t'étais recherché avec Mali? Mais il aime pas ce que je fais, s'il te plaît. Il est hors de question. Tu sais pas tout ce qu'il m'a dit, lui. Il m'a dit, c'est nul ce que tu fais. Il a écouté ma musique. Il a dit que je savais pas chanter, tout ça. Ah ouais, d'accord. Et t'as fait écouter ta vraie musique? Ben oui, j'ai fait ma vraie musique. Il m'a chanté et tout. Et il m'a dit que je savais pas chanter. Je reste pas avec un mec comme ça. Il démerde. Sarah, à un moment donné, il y a les grands esprits qui sont d'accord, là. Ça va plus du tout. Ouvre les yeux. Sarah, il te fait flipper, le client, il est comment? Non, il me fait flipper. En plus, il est un petit peu baraqué, un peu... Pas Kaira, mais il est bizarre, tu vois. Il a une casquette, un gros manteau. J'aime pas. T'aimes pas ces délires-là? Ouais, il me fait peur, je te jure. Il a un regard sombre et tout, j'aime pas trop. Moi, il me mettait mal à l'aise, c'est pour ça que je me suis barrée. Eh ben écoute, elle a refilé le bébé à Malik. Ouais, ouais. Eh ben écoute, on va sur le flash info pour annoncer que Malik est recherché tout seul. Alors, hein, c'est parti, ma Sarah. C'est bien que tu as sorti de ce merdier. Remonte. Ouais, reviens, merci, reviens merci. En studio. Allez, on se connecte avec Malik et son client. Et vas-y, toi t'es parti. Vas-y. Viens, s'il te plaît, dépose-moi chez moi. J'ai pas envie. Non, mais elle t'a mal parlé. Elle t'a dit quoi là? T'as crié dans la voiture. T'as parlé mal. Toi, tu parles mal. Elle te parle mal. Tu réponds pas. Moi, elle me parle mal, direct, je suis... J'ai pas envie de... Allez, Malik, calme la radio. Non, y a pas de souci. C'est normal, tu te défends, on va mettre un peu de musique, on va se calmer. Je sens que les nerfs sont tendus ici, de toute façon. Moi, je suis tendu. Hein. Je vais mettre de la zik, Malik allume la radio, j'interromps le flash, on fait un flash info annonçant que Malik est recherché et on voit ce que ça donne derrière la boîte à questions. Allez, c'est parti, Malik, tu peux allumer. J'interromps la musique sur énergie. Toutes les radios ont reçu la même dépêche. Un chauffeur VTC serait activement recherché. D'ailleurs, Jean-Marie Nichagnan est venu dans notre studio pour nous en parler. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Aymeric. Alerte, celui qu'on surnomme le kidnappeur de l'Ouest parisien serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de sa Citroën noire. L'homme de 26 ans s'appelle Malik et se sert de sa couverture de chauffeur VTC pour conduire ses clients dans sa planque en vue de les séquestrer. Son mode opératoire est bien rodé. Pour déstabiliser ses futures victimes, il se fait passer pour un fan absolu d'une chanteuse inconnue, prêt à tout pour elle. Mais il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'une de ses complices prénommée Sarah. Les deux criminels simulent une dispute en pleine course afin de détourner le client de sa course initiale et de le conduire dans l'antre de ses ravisseurs. Si vous les croisez, contactez les autorités au plus vite. La vie d'un homme est en danger, Aymeric. Merci Jean-Marie. On repart en musique sur Énergie. On vous tient au courant. Il a coupé la radio. On écoute la réaction du client. Ouvre la porte. Je te dis, je vais... Mais non, pourquoi tu lui ouvres la porte? Pourquoi tu lui ouvres la porte derrière? Ouvre la porte. Sarah, elle avait raison. Mais laisse-moi, j'ai la porte, tu fais des trucs bizarres, ouvre la porte. Mais je fais rien, moi, ouvre la porte. Si on ouvre la porte, il fait peur. Mais qui c'est qui fait des trucs bizarres? Ouvre la porte. Mais je fais pas de trucs bizarres, qu'est-ce qui t'arrive là? Je sens qu'il va t'ouvrir. Ouvre la porte, tu crois que je suis fou ou quoi? Mais non, t'es pas fou. C'est moi le fou, putain. Ferme ta gueule. Tu vas essayer, t'arrêtes de bouger. T'arrêtes de bouger, je te dis. Arrête. Ouvre la porte! J'arrête pas la porte! Hey. Arrête, on va faire un accident, putain, je fais comment moi? Arrête, putain! Traîne. Non, je traîne pas, je t'embarque avec moi, tu restes avec moi, je m'en bats les couilles, tu restes avec moi, putain, derrière! Putain! À chaque fois, c'est avec ta pote! Sarah, mais laisse tout tomber, putain! C'est quoi ce métier de merde? C'est quoi ce métier de merde? Hey, il faut sortir! Putain, fais chier, bordel! Lâche-moi, je vais m'énerver! Lâche-moi, tu vois, je suis en crise! Donne-moi la culotte, j'en veux sortir! Donne-moi la culotte! Oh putain, le succès! Oh, je sens le succès! Oh là là là là! Oh putain, il fait du bien! Malik n'est pas recherché, il est chauffeur VTC mais pas recherché. Tout va bien, d'ailleurs il est pas loin d'énergie, hein. Vous inquiétez pas, il va passer devant Jean-Marie alias JM. Ouais, c'est moi, bonsoir, hein, monsieur Jean-Marc plutôt, ouais. notre ami, hein, n'est ni Jean-Marie le journaliste, c'est Jean-Marc. Ah ouais. C'est ça, bonsoir monsieur, c'est rien. Ça va? Je fais mal, putain, fais chier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fait mal? Je suis désolé, je savais pas, désolé. Putain, pas la veille des NMA. Il a pris un tampon? Non, je te jure, j'ai mal au bras. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Il n'y a pas de soucis, monsieur. C'est moi qui fais la blague. Vous faites des blagues comme ça. Il n'y a pas de soucis. Oh, le con. Oh, là. Allez, on vous affûte des velettes, monsieur. On vous laisse retrouver les esprits, on prendra des nouvelles de Malik et de son bras, les amis. Chelou ce client, très chelou, très bizarre dans les émotions, hein. Ça monte, ça descend. C'est chaud et froid. Il y a un castor à l'intérieur de la tête là, il y a un truc. Allez les amis, on va se faire la boîte à questions. Vous l'adorez les amis et ça tombe, vous les nanas, lorsqu'on séduit et qu'on couche avec vous le premier soir, est-ce qu'on est des donjons, est-ce qu'on est des Casanova ou tout simplement dès le début vous saviez que vous alliez faire l'amour, parce qu'on a l'impression tant que vous n'étiez pas forcément sur ça au début, mais la séduction a opéré, puis on a réussi à faire un petit câlin avec vous parce qu'on est des Casanova. Quoi, et vous, messieurs, est-ce que pour arriver à vos fins, vous êtes capable de faire croire que vous êtes ouvert à une relation sérieuse alors que c'est absolument faux? On a pas mal de questions à se poser, il y en aura d'autres. Vous déboulez 0800 70 42 48, l'appel est gratuit et je décroche. Allez, Benny Blanco. When I was young, I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough, yeah. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house. house and everything in between. And then suddenly we're 10:23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side in the city where the sun don't set. Day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere, we won't drive down to the coast. Jump in the sea, just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away. She used to meet me on the east side in the city with the sun don't set. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h avec vous. Le canular de la nuit arrive, mais là c'est la boîte à questions. Eh oui, vous l'aimez et elle est de retour ce soir. D'ailleurs les amis, vous pouvez nous rejoindre. Ah oui, c'est vrai ça, 0800 70 42 48. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Yes, Sarah est de retour. Le client t'a fait un petit peu peur. Hein, pas un petit peu. Et déjà, il m'a fait peur, il m'a énervé à dire que je chantais mal, etc. Très bien. J'ai jamais vu ça, moi. Oh bah. Sarah, on démarre la boîte à questions. Allez. C'est parti. Ma Sarah, la première question, elle s'adresse à vous, mesdames. Est-ce que lorsqu'on vous séduit et qu'on couche avec vous le premier soir, eh bien, on a réussi un petit peu notre coup, on a bien su séduire. Au départ, vous étiez intéressé, vous pensiez qu'on était votre profil, on vous a donné envie, mais... peut-être pas aussi rapidement, et puis finalement, la séduction opérant, vous n'avez pas pu résister au charme. Ou est-ce que dès le début, vous saviez que vous alliez nous croquer? Bah, en général, les nanas, quand elles cèdent le premier soir, il faut arrêter d'être hypocrite, on vous fait croire. Ouais. Oui, moi d'habitude, je fais pas ça. Hein. Tu sais, c'est la première fois. Ouais. Moi, je fais pas ça, j'en ai eu que trois avant toi, tu sais. Hein. Ouais. En fait, on sait très bien dès le début, tu m'as repéré, je t'ai repéré. La nana va rentrer avec toi, c'est sûr. Juste, les nanas sont hypocrites de temps en temps. Hein. Ah. Et il y en a pour résister à la tentation. Moi, il y a des copines à moi, elles ne s'épilaient pas. Oh, elles ne prenaient pas soin de leur partie exprès pour justement résister et ne pas rentrer avec le gars. Pas, elle voulait pas. Sylvain, quoi? Non mais oui, c'est une mascarade comme elle dit. Parce c'est que... une mascarade. Mais oui, non mais c'est vrai parce que comme elle dit, les meufs qui disent oh non ce soir, bon en fait oui, hey, ouais. tu t'aperçois. Ouais, je suis pas épilé, c'est pas grave, je suis pas épilé le cou. Mais pas épilé, on s'en fout, je te rase si tu veux. Ah. J'ai toujours un Mark 3 sur moi, t'es folle ou quoi? Ouais. Il a du double face. Hein. Ouais. Et comme ça par hasard, elle a mis la petite dentelle en plus, ouais. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais. Elle aurait mis un truc dépareillé à la base. Tu repères déjà au soutien-gorge. Bah oui, bah si la nana était dans l'intention de se faire un type. Mais de ouf, la dentelle, le truc, oui. La prêté, comment elle a apprêté et tout. Ah ouais, donc c'est la nana qui met un sous-vêtement un peu charmant, un peu joli, c'est une nana qui va se déshabiller pour toi. Bah bien sûr, c'est un raccourci un peu facile quand non, même. Mais c'est une nana qui à un moment donné va. Bah, qui dit lingerie, du câlin derrière. Non, tu vas loin, tu vas un peu loin. Ça veut dire. Donc en fait, moi, si je vais pas pécho et j'ai pas envie de pécho le soir, faut que je mette des sous-vêtements dégueulasses en fait. J'ai pas le droit de mettre de la belle lingerie, sinon c'est un signal pour toi. Bah, je bien t'envoie sûr. Un signal. Bah c'est la base. Mais t'es un malade. T'es sérieux. Là, t'as de la lingerie sur toi. T'as la lingerie sur toi. Foutre. Calme-toi, Sylvain, calme-toi, Sylvain. Si gentil. Alors si j'en ai une belle, donc c'est un signal en fait. Bah bien sûr. Et en plus, tu sais, le petit cache-cœur là où tu vois la bretelle qui dépasse, c'est malade. Un appel. C'est un appel, mais bien sûr. Oh, mais t'es à côté de tes pompes, hein, mon pote. T'as m'étonné un peu cette histoire de lingerie là, oh, t'es non, sûr que ça. Non, ouais, ouais. Non tu vas trop elles loin. Elles peuvent kiffer la lingerie quand même. Mais bien oui, sûr. Elles peuvent kiffer. Ouais, mais ce qu'il veut dire, c'est que souvent, en plus, si la nana que t'as ramenée à la maison, voilà, et qui te fait croire que c'est une des premières fois qu'elle avait cette lingerie, pour lui, ça renforce l'idée que peut-être effectivement elle était dans l'idée de coucher parce qu'elle savait qu'à un moment donné il y a plus de probabilité qu'on voit ses sous-vêtements. C'est ce que tu voulais dire. Bah bien sûr, c'est l'excitation. Ouais. Bien sûr. C'est un peu comme un mec qui sort avec un préservatif pour toi. Voilà, c'est la même chose. Oh, le raccourci de dingue. Moi je sors toujours chargé. Tiens, il sort toujours chargé. Donc là ce soir t'es prêt. Ah bah là j'en ai 3-4 sur moi. Tu sors toujours avec des préservatifs? Toujours. Ah, ouais. C'est une règle d'or chez moi. Mais tu crois vraiment que tu vas ramener à la maison tout le on temps. On sait jamais à tout moment. Ça a déjà payé cette technique ou pas? Ouais, ouais, je te jure. Moi, je trouve que c'est un porte-bonheur pour moi. Bah oui. Quand t'as une capote sur toi, tu te sens plus, je sais pas, t'as l'impression que tu vas déplacer les montagnes. Non, mais tu sais que moi, ça me dégoûterait. Je me dirais, mais le mec, c'est un porc, tu vois. Il a prévu son coup, ça veut dire qu'il savait qu'il allait prévaut mieux être protégé que du coup ne pas le faire. Mais c'est magnifique. Mais d'un côté, moi, je me dis, ok, dans ces cas-là, il en a pas, ça me rassure, on va en acheter ensemble. Mais s'il en a, je me dis, il a prévu le coup. Mais c'est important parce que malheureusement, il y a des mecs qui voient mal le fait qu'une nana dans son sac ait un préservatif lorsque tu fais la première fois. C'est comme ça que tu chopes des conneries. C'est sûr. Il faut l'avoir. C'est important de l'avoir. On va te demander l'avis de Laetitia là sur cette histoire. Est-ce que les nanas savent qu'elles vont faire l'amour direct le premier soir ou en fait quand on arrive justement à les séduire, nous on se prend pour des Casanova alors que c'était programmé. Elle a son avis sur la question. Ça va Letty? Ça va et vous l'équipe? Écoute, merci de réagir. 0870 42 48 pour faire comme Letty. Raconte-moi un petit peu Letty. Alors à ton avis, c'était ton intention aussi toi au départ ou pas? Bah franchement, on va être lucides les gars. Ouais. Arrêtez de vous prendre pour des donjons. Si on vient, c'est qu'on a envie de venir. mais oui. C'est pas qu'on a réussi notre coup au fur et à mesure, on s'est dit bon, on va se revoir dans la semaine, il est mignon. Et finalement, si ça se fait le premier soir. Non. Non. On n'a pas genre avancé la programmation à 2-3 jours où on a réussi à le faire ça le soir. Plus, vous avez d'accord. Des plans de drague à la con maintenant. Ah. T'as pas un 06, ouais, t'es jolie. C'est quoi votre délire de sous-vêtements? Ouais, si on veut mettre des beaux sous-vêtements, c'est parce qu'on a envie de mettre des beaux sous-vêtements. On est belles pour nous, les meufs, pas pour vous. Yeah ah bah merci, c'est gentil ça. Ouais, mais vous êtes bien contente quand on est là. Toi, mais tu crois nous connaître, ça va pas. Déjà, t'as ta tenue là, avec ton préservatif. Et puis tout à l'heure, à la rentrée, le lundi, le jeudi, le vendredi. Non, mais oh, big up quand même, les gars. Hein. T'as bien raison, Letty. C'est bien, bouscule-moi bravo tout ça. Letty, présidente. Letty, présidente. Ah ouais, je suis d'accord. L'autre coup, c'était Letty Levrette. Allez, on y va, les gars. Ah, c'est Letty Levrette. Ah, c'est Letty Levrette. On en profite, ouais. Enfin, comme un big ça. Up à Banana et un big up à Didi, une femme de ma vie, et un big up à mon mari. Bon, bah écoute, il y en a du big up. Franchement, Letty, c'est en tout cas. C'est big up à Nancy. Ah bah ouais, on adore. Non, mais Nancy, c'est hyper sympa. D'où il sort. J'ai ma pote en ligne, elle fait Letty, président. Letty, en tout cas, merci d'être passé et d'avoir confirmé qu'effectivement, vous n'êtes pas dupe et que dès le début, on n'a rien sûr. Fait. Quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est exactement. Pour ça que je posais la question, parce que je commençais à sentir venir la carotte, tu vois, Letty. J'ai dit, je vais la poser dans la boîte à questions, parce que la carotte, elle a assez duré, là. Ouais. Les gars, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de se croire qu'on est plus fort qu'on l'est. Hein. Ouvrez les yeux. Exactement. Non, mais après, c'est bien de se mentir à nous-mêmes, tu vois. Ouais, tu c'est vois, important. Ça, bah oui, mais c'est vrai. On peut se faire mousser un peu, il a raison. Prendre le meilleur de vous-même. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai. Continuez c'est vrai. En fait. L'espoir, c'est vivre. Pas merci, Valetti d'amour. Je t'embrasse. À très vite. Je vous fais des bisous. Bisous. Bisous. Bisous. C'est marré avec Letty Levrette. Ah, ouais. Je l'aime tant, ma Letty d'amour. Les amis, on passe à la deuxième question. Allez, vous les mecs, est-ce que pour arriver à vos fins, vous êtes capable de faire croire que vous êtes ouvert à une relation sérieuse alors que c'est faux? Ah. On va avoir des avis. Vous venez 0870 42 48. On aura la réponse après Sopra. Et puis la prochaine question pour les nanas, elle est mythique. Vous les meufs, lors du premier date, quand vous vous apprêtez à payer, est-ce que vous espérez que nous, on paye? Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman qui t'a jamais oublié. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde, il est fêlé. Change la fête en humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. la vie, à l'amour. C'est la boîte à questions. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Yes. Ouh. Allez, on est avec vous jusqu'à 23h. Demain, ce sera les Energy Music Awards. Le canular que vous adorez tous revient. Claude Alexo, en plus avec Marie Gabrielle qui vous fait mourir de rire à chaque fois. Elle sera là et on va lui prédire l'avenir. Et il y a de la réincarnation au programme. On a fait une première question sur les nanas. Vous les mecs, est-ce que pour arriver à vos fins, vous êtes capables de faire croire que vous êtes ouvert à une relation sérieuse alors que c'est faux, Sylvain? Ah bah bien sûr que oui. Bah oui. Ouais. Moi c'est la 5e symphonie de Beethoven. Ah, surtout moi, la clarinette, la clarinette, ouais, la trompette, le tambour, d'accord. Tout. D'accord, on est sûr de la 5e symphonie. Ah ouais, enfin je sais pas. Oui, allez. Bien sûr, mais oui, je vais la jouer à Bachelor. Ah oui, je vais jouer à la Bachelor, bah forcément. Mais je pensais que t'avais les meufs comme ça en un claquement de doigts. Pourquoi t'es obligé de raconter des salades en fait? Mais t'as vu Bachelor? Ouais. Il pécho direct lui. Il sort sa petite tambouille là, son petit Barry White, sa petite rose. Et je peux te dire qu'il ramène à tout va. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors on va demander au garçon, tiens, qui appelle JM. La question qu'il faut poser, c'est qu'il ne l'a jamais fait plutôt, parce qu'on l'a tous fait, franchement. Sarah, t'étais au courant que les hommes étaient capables de mentir sur leur ambition future pour le câlin? Bien sûr, j'en ai eu combien des mecs qui, voilà, me faisaient croire, oh, je vais tomber amoureux, oh, t'es la bonne, etc. Et quand ils voyaient que je passais pas à l'action, ils me plaquaient. Donc. J'ai un ami qui s'appelle Sylvain Potard qui m'a dit que les sentiments partaient avec l'éjaculation. Voilà. Il m'a dit ça, le cœur traversé dans l'urètre, pim, ça sortait. Et il disait au revoir un petit peu, il enterrait cette semence, signe de l'amour qu'il a porté pendant quelques minutes pour une jeune femme. Et ça finissait dans le WC. Oh là là. Ah, dans le WC, puisqu'il avait le préservatif. Bah oui, oh là là, il fait un nœud au sentiment et puis il enterre avec le pied, tu sais. Mais Sylvain, faut pas les mettre dans les toilettes, les capotes, parce qu'elles remontent après. Oh. Ah bon? Eh oui, ouais, c'est à dire. J'ai une technique. Fais gaffe, un jour, on va te punir, là, elle va venir, elle va la dépecer. Et non, tu vas te retrouver grand-père. Il y a une technique, tu prends le papier cul, tu mets dedans, tu fais une boule et hop, ça gicle, direct. Ah, c'est le cas de dire, ça gicle. Ah, tu fais pas sec le PQ. Bah oui. Oh là là, l'artiste. Il a tous les tuyaux, hein, c'est terrible. Et en été, il met un bâtonnet de glace. Il est terrible. Tu vas demander à Simon, là, des garçons pour donner un peu espoir, là, après le discours de JM et Sylvain. Ça va, Simon? Ça va et vous? Salut. Simon a fait le 0870 42 48. T'as déjà mis tout au nana sur tes intentions pour juste faire l'amour? Oh oui, et pour une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois avant, parce que maintenant je suis presque marié, mais j'ai même fait durer ça pendant presque deux semaines, parce que je trouvais pas autre part. Ah ouais? Mais c'est dégueulasse. Ah ouais, et dès que t'as trouvé autre part, t'as dit finalement ça peut pas coller, on fait un break. J'ai rien dit du tout, je me suis barré et puis voilà quoi. Ah c'est pas beau, Simon. J'ai même changé de numéro de téléphone. Oh là là. Ça c'est fort, ça c'est. Ouais. C'est plus le Père Noël et tu dors dur, hein, c'est Simon. Hein. Ah c'est laid, c'est laid. Mais pourquoi, moi, c'est la question, c'est pourquoi en fait vous faites ça? Parce que finalement, voilà. Allez, vas-y. Non mais je pense que comme vous, entre guillemets, vous êtes pas franc-jeu direct. Les intentions. Allez, remettez ça sur nous, tu vois les mecs. Non, j'ai pas dit ça. Je dis comme tout de suite, vous êtes pas franc-jeu. Les mecs, ils ont l'impression que pour faire l'amour avec vous, ils ont besoin de vous baratiner. Eh ouais. Ah, donc c'est de notre faute en fait. Oui. Non, parce que attends, elles nous disent quand même, ouais, c'est la première fois que je fais ça, que je couche le premier soir avec un mec, tout ça. C'est toi-même qui l'as dit. Mais il y en a pour qui c'est vrai. Bah là, la question d'avant. Ouais. La question d'avant, c'était qu'en fait, quand tu couchais le premier soir, c'était voulu chacun de leur côté, qu'il n'y a pas de drague et qu'on nous voit arriver. D'accord. Mais en fait, les mecs, comme ils y croient très fort à ça, ouais, qu'ils ont ça. Besoin de vous baratiner. Ah. Ils vous racontent des histoires, ils vont même trop loin dans le truc. C'est qu'ils vous racontent des intentions, tu vois le délire. Parce qu'ils pensent que vous, il faut vous raconter des trucs. Alors qu'en fait, vous dites, moi je veux coucher avec lui parce que je veux me le faire, hein, c'est comme l'homme. Voilà. Ben, les mecs, comme ils comprennent pas ça, ils ont l'impression qu'il faut aller encore plus. Et des fois, là où c'est le danger, c'est les limites du truc, c'est qu'ils vont trop loin dans leur truc. Ouais. Ouais. Trop loin. Et parce que, en fait, ça entraîne des trucs de ouf. Et du coup, ça fait mal aux nanas. Parce que les nanas, du coup, de simples coups qu'elles avaient acquis, tu vois, elles s'étaient dit, ok, ça va être juste un coup, bah, se mettent à rêver parce que ça, elles l'ont rarement entendu. Parce qu'il y a peu de bâtards comme ça. Non, mais c'est si. Moi, j'ai essayé les deux méthodes. Tu vois, la méthode directe, brute de pomme. Ouais. Et j'ai essayé l'autre méthode bachelor. Ouais. Bah, je peux dire que la bachelor, ça marche à chaque fois. C'est-à-dire quand tu racontes un peu des intentions et tout. Ouais, voilà. Quand t'es un peu plus. La rose dans la bouche et tout. Pas que le pire, ça reste quand même les hommes en couple ou mariés qui, pour garder leur petite nana à côté, leur petite maîtresse, t'inquiète, je vais quitter ma meuf pour toi, etc. Le je vais quitter ma meuf, je l'ai plus supporté pendant une Simon, période. T'as déjà joué sur deux tableaux comme ça où tu disais. Non, j'ai toujours été fidèle. Une fois que je suis en couple, je suis en couple. Mais par contre, quand je suis un bâtard. Bah écoute, Simon, merci, t'auras appuyé franchement ce qu'a dit JM et Sylvain. Je te fais plein de bisous, mon Simon, on te fait un petit cadeau. Bisous l'équipe. Merci, ciao. Mon Simon. On va prendre Paul aussi qui va répondre à une question sur les mecs. On repart sur les filles. Allez, rapidement, lors du premier date, quand vous apprêtez à payer, est-ce qu'au fond vous espérez qu'on paye? Bah, ton avis. Bah oui, c'est sûr. Non, mais quand vous sortez la déballe, le porte-monnaie, je veux payer, vous bougez tout le monde. Mais bien sûr, déjà, dis-toi qu'au début du repas, on essaie de penser à cette stratégie. Donc je sors mon portefeuille, allez, fais bien un sourire, fais comme si t'allais payer. Mais au final, si vous nous laissez payer, c'est la guerre. Il faut que vous payiez au premier rendez-vous. Ouais. On est des hypocrites. Moi, je fais l'exprès de sortir mon portefeuille. Ah ouais, je ne vais pas payer au donc premier. Donc vous voulez qu'on paye en fait. Au premier, oui. Parce que des fois, moi, tu sais, en angoisse, je dis bon, bah ok, si t'insistes. Mais non. On partage. Non, mais personne, vous me connaissez. Oui, toi, tu payes tout le temps, même meuf, pas meuf. Je suis mal à l'aise, moi, tout avec cette histoire. Et je me fais souvent baiser avec les. Oh non, ouais, vas-y, laisse tomber. J'arrive pas. Non, c'est vrai. Sylvain. Non, mais c'est ce que je comprends pas. C'est que moi, j'ai des potes, pareil, ils veulent payer parce que c'est une sorte de puissance, tu vois. Ouais. Genre, ils maîtrisent un peu la demoiselle, tu vois. Moi, je pense que c'est une sorte de soumission. Non, de mon côté, c'est être gentleman, c'est montrer que tu vas prendre soin de la fille. Bah, d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un geste pour dire, voilà, je vais prendre soin de toi, je vais faire attention à toi, et d'ailleurs, je vais te faire un petit plaisir, un petit truc pour te montrer d'entrée que je vais faire attention à toi. Ouais. Sylvain, t'es comment toi au premier date? Mais t'es pas obligé de partir dans de l'argent tout de suite. Ouais, non, mais pas ça, mais sur un café, un truc. Toi, je sais que par exemple, t'as une astuce, c'est qu'à Montreuil, t'as repéré le café le moins cher de la ville. Ah, chez Weber, là. Chez Weber, c'est combien? Bah, c'est 1€ le café avec un verre d'eau. En plus, ouais. Et de l'eau fraîche, hein. Pas de l'eau tempérée, attention. Ah, ouais, d'accord. Ouais, attention. Parce qu'il y a deux eaux. Et du coup, t'en as pour 2€, tu vas chez Weber boire le café, puis tu montes. Oh, ouais, enfin 2€, ouais, avec elle, bien sûr. Je me rappelle un jour, t'étais dégoûté parce qu'une nana a pris 2 verres de pinard pendant que toi t'avais pris le café. Ah ouais, j'étais dégoûté. Ce qui fait lui la mort, c'est un café, t'es en espérant club 10-2, tu vois. Ouais. Et là, elle avait pris 2 verres de vin. Elle me dit, non, vu l'heure, je prends un petit verre de vin. Ouais, je dis, il est 19h. Bah, 19h, c'est l'apéro. Je dis, moi, tu sais, je viens de me lever, hein. Prends un café comme moi. Il est con, celui-là. Les amis, question suivante. On enchaîne. On va parler du fait, est-ce que vous, les mecs, ça vous déchauffe lorsqu'on a eu plusieurs relations avant? Lorsqu'une nana a eu plein de relations, parce qu'elles sont toutes en train de nous lire. En général, moi, je trouve beaucoup de filles disent, voilà, j'ai eu 2-3 mecs avant toi. C'est toujours le même discours. Généralement, il faut rajouter un petit zéro ou il y en a autant que vous, quoi. Ouais. Autant que les mecs. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous déchauffe et c'est pour ça que les nanas, eh ben, mytho. Sarah, tu vas nous en parler. D'accord. Les filles, vous venez 0870 42 48. On se met Kaigo sur Énergie. I never knew anybody to les amis, on est là jusqu'à 23h. On est en pleine boîte à questions. Claude Alexo, le voyant fou, arrive dans 3 minutes. Mais dernière question pour vous les mecs. Est-ce que de savoir qu'on a eu plusieurs relations, eh bien ça vous déchauffe? Parce que généralement les filles, on l'a fait avec Sarah, ça, cette question. C'était une question qui t'interpellait, ma Sarah. Mais bien sûr, parce qu'on est nombreuses, je ne me mets pas dans l'eau, mais nombreuses sont les femmes qui mentent à leur mec justement pour le garder en disant « Ouais, c'est vrai qu'avant toi, je n'ai pas eu trop de mecs. » Parce que vous, on vous connaît les mecs. Si la nana a eu plein d'hommes avant vous, vous n'aimez pas. Ça vous blesse dans votre ego, vous n'aimez pas. Imaginons, elle croise un ex à elle, vous n'aimez pas. Donc on est obligé de vous mentir en fait. Alors on va demander à Nathalie si elle ment. Tiens, ça va Nathalie? Ça va, nickel. Ça va, poulette. Merci d'avoir fait le 0870 42 48. Nathalie, raconte-moi un petit peu. Est-ce que toi, tu mens sur le nombre de tes relations quand tu rencontres quelqu'un que t'as eu avant? Non, ça sert à rien. La vérité, tout le temps, tout se fait. Donc, Nathalie, t'as eu combien de relations dans ta vie? Une dizaine. Une dizaine. Ah, bah ouais. Et tu lui dis comme ça à ton mec, tu lui dis voilà, celui que tu rencontres, tu dis voilà, j'ai une dizaine de relations. Non, pas au début, mais après, quelques temps. Au début, s'il te pose la question et qu'il te dit voilà, t'es combien de. Quelques-uns. Ah, voilà, tu dis pas le chiffre. Jamais. Voilà. Ah, ouais. Plus un ou plus quelques? Elle en dit un par mois. Bah oui. Alors, attends, Nathalie, parce qu'il y a Paul là. Ça va, mon Polo? Salut les gars, comment ça va? Salut Polo de Pontarlier, hein, premier sur la Franche-Comté. Hein, ouais, franchement, tu me proposes ça. Faut croire qu'on est beaucoup de Franche-Comté à vous appeler, les gars, on peut se faire chier chez nous. Non, vous êtes partout. T'es d'où Nathalie, toi? C'est pas loin. C'est pas, de toute façon, il y en a toute la France, les gars. Calmez-vous. Énergie, c'est. Je croyais que c'était toute la famille de Sylvain. Les gars, Énergie, c'est partout en France. Faut se détendre à un moment donné. Tout à l'heure, on était à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, à Paris, à Lyon. On est partout, au centre, à Vichy. On est dans le nord, on est en Bretagne, on est en Alsace. On est dans le monde. Avec l'appli. Les gars. Mais Pontarlier, premier, grâce à notre tombeur. Bravo, notre tombeur. Merci, Florent. Le futur maire de Pontarlier. Imagine. Je meurs. Le futur maire de Pontarlier. Lui, à QC qui vote pour moi, je filerai de la cocoïne. Tu rentres, je pense qu'il faut une statue de lui à poil, tu sais. Ouais. Il y a un gros kiki, tu vois. Et le sacrilège, c'est de venir casser le kiki du maire. Quelle horreur. Paul, raconte-moi, est-ce que toi, vraiment, ça te déchauffe de savoir qu'une nana a eu beaucoup de relations avant? Alors, écoute, moi, jusqu'à présent, je suis toujours tombé sur des relations plus ou moins... comment dire, qui n'ont jamais duré. Mais par contre, pour le peu de relations que j'ai eues, je dirais un peu plus de 10 quand même. Ouais. Mais bref, comparé à ce que j'ai pu avoir, franchement, là où ça m'a pas choqué, c'est de savoir que la nana, on avait eu plusieurs, ouais, certes, ça je m'en fous. Mais par contre, qu'on avait eu plus que moi. Ça choque. Si tu pensais déjà toi gros baiser. Non. Mais c'est vrai, quand tu te penses un peu gros baiser, tu t'as déjà, moi j'ai envoyé, t'es presque un peu gêné quand la nana, tu vois qu'elle est, elle est encore plus grosse baiseuse que toi. Ouais. C'est de l'ego. Voilà, c'est de l'ego. Non, c'est surtout que là tu te dis à ce moment-là, mais putain, mais sans déconner, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Tu te dis, mais putain, je fais que ça, baiser dans tous les sens. T'as l'impression que t'enchaînes, et puis la nana, derrière, elle te sort le pas. Mais tu sais que m'en fais 4 par soir. Et c'est encore pire quand elle est plus jeune que toi. Hein. Ah oui, toi, t'as 22 ans, Paul, en plus. Elle en fait 4 par de suite, forcément. Ah oui, 4 à la brochette. Nathalie, Paul, je vous fais plein de bisous, les copains, je vous dis à demain. Bisous, et puis. Et puis en fait, Rico, merci à tous pour le petit cadeau. C'est vrai que j'ai jamais rappelé pour le petit cadeau qu'on m'avait offert il y a un petit moment déjà. Ah bah écoute. Mais je vous remercie énormément pour ça. Puis franchement, vous êtes super, quoi, tu es comme ça. Franchement, vous m'occupez mes nuits là. C'est génial. T'as un amour, Paul. Bisous, mon Polo. Merci. Bisous, mon Polo d'amour. On t'aime fort. Allez, tu nous le rends bien. Franchement, tu nous le rends bien. Ouais. On t'aime fort. Nathalie, je t'embrasse, Manat. Pareil, gros bisous à tout le monde, continuez, c'est super. On merci Manat, on t'aime fort. Bisous. Nat et Paul, quel bonheur de vous avoir avec nous. Une fille, un garçon, on répond, c'est ça, c'est le Ricochou, on est partout. On est là, les amis. On sera là demain au Energy Music Award, mais là, pour terminer, on se fait une sucrerie. On se fait le voyant fou, c'est le cas nuit. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le cas nuit, le canular de la nuit sur Énergie. Claude Alexis est un voyant qui nous a mitonné durant la Coupe du Monde. Il a mis tout à côté, vraiment tout de travers. Alors depuis, on en a fait une parodie et on appelle justement des proches à vous. Vous nous filez des numéros et on les fait mariner grâce à des infos, des billes que vous nous donnez. On se crédibilise. Ils ont l'impression qu'on est voyant. Après, on a une famille assez bizarre. Vous allez voir, il y a les sœurs, il y a les frères, il y a les chiens, il y a tout. C'est la Claude Alexo Family. Et nous, on prédit et surtout, on permet de réincarner des personnes. On a eu Marie Gabrielle, qui est charmante, la semaine dernière, qui a peur de Dracula, puisqu'elle est persuadée que Dracula était présent dans la chambre lorsqu'elle a accouché. Wow. D'accord ? Donc là, on va le faire réincarner à nouveau. Ça se réincarne un peu, mon tombeur ? Ah oui. Quelle horreur avec sa mèche en plus qui flotte. Il va se réincarner, il arrive. Claude Alexo, le voyant fou, chez Marie Gabrielle. On y va, les amis. Il voit. Je pense que pour la France, malheureusement, ça va être la fin de la compétition. Il voit. Pour moi, c'est le Brésil qui remporte la Coupe du Monde. Ah bah non, en fait, il voit que dalle. Claude Alexo est dans le ricochot. Vous pensez que ça va répondre là, Claude Alexo? Oui, ça va prendre. Non, ça va. Allô? Oui, Marie-Gabrielle? Oui. Non, c'est pas Marie-Gabrielle. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît? J'ai répondu à oui. Allô? Oui, Marie-Gabrielle, je me doutais que c'était pas vous. Un instant, la consultation va démarrer, ne quittez pas. Oui. Oui, Claude Alexon est parti. Il va revenir, je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Je t'ai mis en attente. Ne raccroche pas. Allô, Marie-Gabrielle. Bonjour, Claude. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui. Marie-Gabrielle, je t'en voyage. Oui. Je t'en voyage. Vous avez un rire communicatif, hein? Oh, communicatif! Elle est décommunicative! T'es fatigué de rire? Marie-Gabrielle, vous m'avez donné le hockey à force de rigoler. J'ai le hockey, je rentre, je pète. Je suis un peu couillé. Marie-Gabrielle. Oui. Je vois des choses, vous connaissez. Marie-Gabrielle. Oui. Est-ce que vous voulez savoir? Annoncez-moi quelque chose de bien. Dites-moi que vous voulez savoir. Je veux savoir quoi? Oui. Je voudrais savoir si je vais aller voir mon fils en Thaïlande. Je voudrais savoir si ça va aller bien. Ah oui, vous allez aller le voir! Attention de ne pas arriver trop tôt, il pourrait être en train de se faire masser. Si vous arrivez trop tôt, vous risquez d'avoir les surprises. Et qu'est-ce que vous m'annoncez de plus? Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mieux que 2018. Dracula est encore là. Oh, putain. Ah oui, il sent que vous êtes indisposé, Marie-Gabrielle. Ah, je déteste ce truc. Oui. Je vais vous passer mon frère. D'accord. Oui, Claude Alexon est parti. Il va revenir, je t'ai mis en attente. Bonsoir. Il a la même voix que vous. C'est mon frère. Bonsoir. Il a la même voix, vous trouvez? Oui, vous avez la même voix et... Ah bon? Je sais pas, il rote aussi, hein. Ah oui, je rote, je pète. Comme une trompette. Il a du manger des faillots. C'est de famille, vous savez. Et on a vu sur le cassoulet. Rien que de me parler. C'était lui, Marie-Gabrielle. Oui. Mon purée. Vous m'entendez, Gabi? Oui. Je vous sens. Bon, c'est pauvre, c'est dégoûtant. Je vous sens fort. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, connerie. Vous n'avez pas pris la douche? Oui. Oh, connerie. Gabi. Oh, Gabi. Oh, ça, je vois les cheveux souris, je vois tout là-dedans. Gabi. Oh, Gabi. Tu sens ou pas? Rien que de voir les chauves-souris par la fenêtre, ça m'a fait peur. Oh. Oui. Allô, oh. Ne me parlez plus de lui. Dracula. Ne me parlez plus de lui, parce que... Oh. Je suis dans ma chambre toute seule. Vous êtes voyant, mais vous faites peur. Vous me faites peur. Il est parti, Marie-Gabrielle, il est parti. Il nous a traversés, à moi et mon frère. Ouais, je vais allumer la lumière parce que vous faites la pétée. Non, non. Ah, si. Non. Voilà. Ah. Ici. Ah. Ah, écaillez. Ah. Ouais, je vais vous donner de l'ail. Écaillez, ça me fait mal. Et de l'ail. Écaillez, ça me fait mal, écaillez. Non. Écaillez. Non, non, non, non, je t'aimerai pas parce que j'ai trop peur. Écaillez. Vous me faites la pétée, là. Écaillez, je suis en train d'être attaqué. Éteignez, Gabi, éteignez, éteignez, vite, vite, éteignez, éteignez. Oh, coucou, Claude. Il est parti, Marie-Gabrielle, ça y est. Je vois du monde, comme ça, j'ai pas peur. Voilà, j'habite en face au collège, je vois des jeunes. Il est parti, il est parti, Marie-Gabrielle. Oh là là, ça a été dur, hein. Oh, au revoir, Marie-Gabrielle. Vous êtes gentil, au revoir. Au revoir, Marie-Gabrielle. Vous faites plus secours. Vous faites plus peur comme ça, hein. Quel kiff! Les amis, on se retrouvera demain pour l'Energy Music Awards en direct de Cannes, 20h, 23h, émission exceptionnelle. On vous attend, on aura des places pour vous pour les Energy Music Awards entre 20h et 23h sur le parvis du festival de Cannes. On recevra les plus grands artistes, on aura Louane dès le début. On enchaînera avec Dadju, Alonso, Vita, Aurel San, Aya Nakamura, VG Dream. Et on terminera avec un live d'Offenbach. On a beaucoup de chance de vous avoir, c'est grâce à vous. Franchement, je voulais tous vous remercier. Parce que moi, c'était un rêve de gosse d'aller au Energy Music Award. Et je sais que si je peux le faire, c'est d'abord grâce à vous. Parce que vous nous êtes fidèles, parce que vous faites de l'émission une belle émission. Et on vous aime très fort. Et je voulais vous dire merci, franchement, au nom de toute l'équipe. Ouais, merci beaucoup. Donc, ouais, merci. C'est grâce à vous si on va à Cannes demain se faire kiffer et vous faire kiffer. Et on fera le maximum pour vous amener un petit peu avec nous, ouais. Ceux qui ne pourront pas être là, pour vous faire vivre des moments uniques. Il y aura le retour de Sarah Dubled, il y aura des lives, il y aura du monde, il y aura des artistes. On sera là, franchement, rêve de gosse. Et nous, on est à votre service pour vous faire kiffer en direct là-bas, comme si vous étiez. Je vous en donne ma parole, on tentera de vous faire kiffer. Je vous dis à demain 20h. Qu'est-ce qu'il y a, ma Sarah? Non, j'allais dire, s'ils veulent nous suivre sur les réseaux, on va tout filmer sur Instagram, Facebook. Allez-y, tout, allez-y. Rico Show sur Énergie, suivez-nous. Allez-y, hein. Énergie, les comptes, ouais. Les comptes Twitter, Emeric-Bonnery. Voilà, sarahcadour.off. Sylvain Potard, P-O-T-A-R-D. D'accord, JM. JM Nichagnan, c'est un peu compliqué. Voilà, on va JM, tout filmer. Ça va vous en sortir. Et ouais. Emeric-Bonnery, vous trouverez avec la pastille. On fera tout ça, je mettrai les comptes de toute l'équipe. Grave. Ok, ouais. Les amis, je vous dis à demain, je vous aime très fort. N'oubliez pas, l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. À demain, je vous aime. Nous, on a l'avion à 11h. 45. Soyez pas la bourre. Hein. Soyez pas la bourre. T'inquiète. Allez, on vous amène dans les valises. On vous aime. À demain. Mickaël est à Miami. Tof, Polo et Amina sont à Miami. Ils sont là sans être là. T'as compris? Ils sont en vacances à Miami. On t'a dit qu'on était à Miami? Rassurez-vous. Il y a le best-of dès 23h sur Énergie. Allô? Oui. Bon, c'est parfait. Bon, Tom, t'as passé une bonne journée? Oui. Bon, tant mieux, très bien. Tu veux dire autre chose que oui? Oui. Oui. D'accord, ok, me voilà rassuré. On va parler de quoi dans un instant avec toi, Tom? D'un braquage qui s'est passé chez un voisin. Un braquage? Ah oui, un cambriolage, non, tu veux dire. Un cambriolage, d'accord, ok, très bien. Bon, chez le voisin, quoi, chez le voisin chez toi? Le voisin en haut, en bas, à gauche, à droite? Derrière chez moi. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai un voisin qui s'est fait cambrioler il y a à peu près un an. D'accord. Et en fait, je soupçonne mon père de l'avoir cambriolé. Quoi? Mais t'es un malade, Tom. Attends, il y a un voisin du quartier qui s'est fait cambrioler et toi, tu soupçonnes ton père de l'avoir volé? Et tu appelles une radio pour le dire. Mais attends, mais. Mais c'est attends, génial! Non, mais attends, raconte-nous un petit peu plus en détail là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, la personne qui a. Et camoufle ta voix, tu vas avoir c'est des problèmes. C'est fait, t'inquiète. Ah, c'est pas sa vraie voix? Ouais, en fait, il parle comme ça, mais on a mis un filtre. Donc, vas-y, Tom, tu dis. La personne qui s'est fait cambrioler, la personne qui l'a cambriolé, elle savait qu'il prenait 4h du matin. Ouais, qui prenait le travail, hein, pas de la coke. Oui. Non, c'est comme tu dis, qu'il prenait à 4h, ça peut être tout n'importe quoi. Donc, il prenait et qui commençait le boulot à 4h. Ok. La poignée de la porte a été cassée avec une clé à molette à mon père. Mais comment tu sais qu'elle est à ton père? Ouais, t'as relevé les empreintes? En fait, c'est les policiers qui ont relevé les empreintes. D'accord. Il a bien de la chance, le voisin. Moi, quand ils sont venus cambrioler chez moi, j'avais tout laissé comme ça. C'est genre en mode CSI. Ouais, je pensais que j'allais tous débarquer, dit, ouais, faire un petit pinceau et tout. Et je dis, ouais, j'ai touché à rien. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Hein, vous pouvez refermer. Je dis, mais vous prenez pas les empreintes? Non, de toute façon, on les retrouvera jamais. Bah non, on n'a pas le temps. On va aller boire une binouze. Et on va venir après. Là, mais c'est ce que le mec m'a dit. Il me dit, non. Mais non. Il dit, de toute façon, on les retrouvera jamais, vous savez. Inspecteur pas cher. C'est ça. Il faut pas oublier que quand Mickaël a appelé, il dit, les mecs. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont encore là? Bah sont... oui, évidemment. Non, mais attends, oui. Quand je les appelle, effectivement, parce que moi je venais de rentrer. Ah oui, et donc je rentre, je vois que tout est tombé, tout est machin, la porte ouverte et tout. Alors oh là je savais que j'avais fermé. J'appelle les flics. Il dit bon, est-ce qu'ils sont encore là? Je dis bah non, enfin j'espère que non. Ah bon, ah, bah, ça va. Ok, alors, parce que là on n'arrive pas tout de suite. Hein, parce qu'il y a d'autres cambriolages là. On est débordés. S'ils avaient été là, on serait venus tout de suite, mais là non. Non, mais là on a autre chose à faire. Hein. Mais t'as pas pété un câble? Mais qu'est-ce que je te dis, j'avais pas les forces à venir. Ouais, enfin bon. Et donc... Intervenez, monsieur, intervenez donc. Oui, c'est ça, ouais. Vous n'avez pas un pistolet. Mais tuez-les. Non, c'est bon. Bon, et donc du coup, Tom, excuse-moi, du coup, tout ça pour dire qu'il a eu de la chance, le voisin, qu'on prenne les empreintes. Et en prenant les empreintes, ton père était déjà fiché et ils ont réussi à matcher. Ouais, et en fait, le truc, c'est que ses outils, il les garde dans son garage. Et le garage, il est fermé. Ouais. Les deux portes. Et en fait, il y a des grosses cales qui bloquent. Donc, ouais. On peut même pas y entrer. C'est-à-dire que même lui, il peut pas y entrer. Ouais, Tom, je vois pas le rapport, en fait. Tom, j'ai une question. Pourquoi t'as mené cette enquête? Ouais. Les experts. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Et en fait, mon père et la famille de la personne qui se fait cambrioler, j'ai le seul à savoir qu'il avait 18 000 euros chez lui. Ah. Non, mais attends. Alors, juste un truc. Ok, les 18 000 euros. Donc, il y a 18 000 euros qui sont partis. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il dit que c'est ton père? Ça peut simplement être n'importe quel voleur qui a eu du bol, il a été au bon endroit au bon moment par rapport au vol, quoi. Et il s'est barré avec les 18 000 balles. Et la clé à molette, ça se trouve, ton père, il l'a laissé dehors. Il l'a pris, les mecs sont passés pour cambrioler, ils ont pris la clé à molette. Ça peut arriver. Bah oui. Il a pété le truc et tout. Mais je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'un mec de ton âge, Tom, mène une enquête comme ça sur son propre daron. Ton daron. Mais c'est même pas que tu soupçonnes un autre voisin. Non, c'est ton daron, père. C'est son propre daron. Est un voleur. Inspecteur Tom. Non mais attends, Tom. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu suspectes ton père. Parce que m'as fait peur. Quoi? Non, c'est pas vrai. J'ai eu un délire. Non. Ah bon? Donc pourquoi tu suspectes ton père? Non, j'entends rien, Tom. C'est-à-dire que dans deux secondes, tu auras le téléphone sous la couette. Tom, on ne comprend pas ce que tu dis. Il faut que tu parles distinctement avec le téléphone devant ta bouche. Non. Là, parce que tu l'as mangé, là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, mais il est en camouflage. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Tom? Tu comprends ce que je dis, là? Oui. Eh ben, t'as bien de la chance. À mon avis, tu vas avoir un décodeur. Parce que moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Ah, bah, c'est compliqué. Ouais. Bon, et quoi? Tu veux qu'on fasse quoi, en fait, Tom? Pourquoi tu vas pas l'arrêter? On peut t'offrir une paire de menottes et puis tu. Et une petite étoile de shérif. Une étoile de shérif. Il va arrêter son arbre. Avec Toff en plastique. Et vous voilà. Avec Toff filme le truc et puis on met ça sur la télé, quoi. Ouais, voilà. Avec on va faire une nouvelle émission. Non, mais sérieux, Tom. Peut-être que je me trompe, donc... Bah écoute, ça dépend. Bon, j'espère déjà. Une voiture ou quoi? Ou une Rolex. Une grosse bagnole le lendemain, oui, c'est sûr. Ouais. 18 000 euros, une grosse bagnole. Une grosse Twingo. Tunée, c'est ça. C'est ça. Non mais Tom, demande-lui. Il va voir ton père. Tu dis voilà, est-ce que c'est toi le va voir.